CIBL 89.1 89.1 Trois-Rivières. Vous êtes à CIBL. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Le plan de cette semaine, assemblage rookie. Pendant que Tania se remet du Grand Prix, nous enclenchera le plus de conflits possible. Plus de c'est un fait, plus de sexisme, ça ne devrait pas là, et plus d'une grosse pointe d'adresse. Assemblage rookie commence tout de suite. Assemblage rookie pour toi, aujourd'hui. Assemblage rookie pour toi, aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Assemblage Rookie pour la semaine du 15 août 2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Tania Baudin a congé cette semaine. Elle est en vacances après le Grand Prix Trois-Rivières qu'elle a animé pour nous et pour d'autres pendant la fin de semaine et l'autre semaine d'avant. Un petit congé bien mérité pour la semaine. Elle ne fera pas son émission non plus. Donc, elle n'est pas présente au bureau en ce moment, mais on la salue. Ça fait un petit bout qu'on ne l'a pas vue quand même. J'espère la revoir la semaine prochaine parce que ça manque pas mal à l'émission, cette Tania Baudin. Aujourd'hui, à l'émission, on a donc nos chroniques habituelles, mais juste pendant plus de temps et avec moins d'interruptions. Donc, deux fois c'est un fait, deux fois ça existe, ça ne devrait répond là et deux fois une grosse pointe d'adresse. Donc, dans l'ordre, une chronique sur laquelle dans laquelle on apprend des choses, une chronique dans laquelle on achète des choses, une chronique dans laquelle on mange des choses. Donc, c'est les trois chroniques qu'on va faire aujourd'hui. Je pense pas, en fait, qu'on va goûter à un produit quand je suis tout seul, ça me tente pas, mais on va faire plus de nouvelles de fast-food. C'est ce qui s'en vient dans l'émission d'aujourd'hui. Stéphanie Paradis non plus n'est pas là. Elle a d'autres choses. Donc, la semaine prochaine, probablement, si tout va bien, qu'on va avoir une équipe complète. Donc, Stéphanie, Tania et moi-même. Donc, tiens, on va commencer avec « C'est un fait » tout à l'heure, mais avant ça, une petite pièce du palmarès francophone. Oui, exactement, francophone, yeah! Je suis tombé dessus, exactement, parfaitement. Donc, on écoute une pièce de l'indice. Elle se retrouve en position numéro 4. Oui, sur l'album « Cycle 1 ». Voici Cécile. Ouais, je donne de l'œil de partout, là. Le studio m'appartient. Je suis en plein contrôle pendant 3 heures. Wow! Bonne émission. Si j'avais su voler, je serais au bout du monde. Si j'avais su voler, je serai encore vivant. Je suis gros, beaucoup trop lourd. Au bord de l'eau, au bord du fleuve, je suis la proie. La pièce Cécile, numéro 4, par l'indice. Cécile, donc numéro 4 du palmarès francophone, bien sûr, parce que ça chante en anglais. J'avais l'impression que ça disait Cécile, qui, blablabla, mais non, c'est Cécile, le nom de la chanson. Toujours à Assemblage requis, pendant que j'ai encore le temps, pendant que ça a encore du sens de le dire. Tantôt, quand je dis que l'équipe complète serait là la semaine prochaine avec Stéphanie et Tania. Tania, c'est ma co-animatrice. Stéphanie est une participante volontaire. Hein? C'est pour être ça. Donc, c'est le moment d'apprendre des choses. Oui, on a trois choses à faire aujourd'hui. Je l'ai dit, on a acheté des choses, on a mangé des choses et on commence en apprenant des choses. Oui, oui, le difficile dès le départ, voici, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, la collecte des choses véridiques, véritables et vérifiables selon Internet. Nos sources sont sur assemblagerequis.com. On commence avec des récentes en fin de semaine. C'est pas le même public du tout, là. Le mardi après-midi et les fins de semaine le matin. Mais cette semaine, on était en direct du Grand Prix de Trois-Rivières vendredi et samedi matin pour des émissions spéciales en piste avec Tania Baudin. J'ai commencé quelques petits faits sur les voitures, les choses qui roulent, et il m'en restait quelques-uns. Donc, commençons avec ça. Pour débuter, une loi spéciale du New Jersey. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas pomper son propre gaz dans le New Jersey? Le New Jersey est un état qui se distingue des autres de bien des façons, nous dit BenTourface.com. Par exemple, ça pourrait être une très grande surprise si vous arrivez en tant que touriste de découvrir que vous ne pouvez pas pomper votre propre gaz dans le Garden State. Jusqu'à très récemment, New Jersey n'était pas le seul état qui ne permettait pas aux gens de pomper leur propre gaz. Pendant plusieurs années, l'Oregon devait aussi faire la même chose, attendre donc que quelqu'un vienne nous servir. À partir du 1er janvier 2016, par contre, en Oregon, en campagne, on a permis aux gens de prendre leur propre gaz. En fait, la mesure était faite pour empêcher les conducteurs de se faire prendre dans des endroits lointains quand une équipe de station-service était partie à la maison pour la nuit. Donc, c'était un problème très, très réel là-bas. Au New Jersey, donc, c'était illégal pour les gens de pomper leur propre gaz. Depuis 1949, le Retail Gasoline Dispensing Safety Act and Regulations bannissait les conducteurs donc, de pomper leur propre gaz. Et les règles fonctionnent toujours de nos jours. Comme plein d'autres lois, c'est évidemment pour le propre bien de la personne qui conduit, donc le conducteur. Étant donné les problèmes de feu, dit-on, donc associés avec le gaz, c'était dans l'intérêt du public que les opérateurs de stations-service aient le contrôle sur cette activité-là. Mais la version du gouvernement ne dit pas toute l'histoire. Le passage de cet acte a été motivé par quelque chose d'un petit peu moins pur. Évidemment, on parle de l'argent. Dans les années 40, lorsque l'autoservice, donc le service par soi-même, était presque inconnu à travers le pays, propriétaire de stations-service nommé Irving Rheingold offrait donc des prix plus bas aux clients qui étaient prêts à pomper leur propre gaz. Un peu comme chez Maxi, tu paies moins cher parce que tu remplis tes propres sacs. Donc la gimmick était très populaire et bientôt c'est devenu une menace pour les stations-service compétitrices. Selon le journal The Record de Bergen County, les propriétaires de stations-service rivales ont réagi en poursuivant les gens activaient ces lois-là pour rendre hors la loi le fait de se servir soi-même son gaz. Alors que de plus en plus d'États partout dans le pays commençaient à offrir des stations-service où on pouvait se servir soi-même dans les années 70 et 80, le New Jersey est resté comme c'était. De nos jours, certains politiciens réfèrent même à ça comme une chose qui rend leur État fier. Une question de fierté. En entrevue en 2011, le gouverneur Chris Christie, on se rappelle, celui qui a participé à la course à la présidence américaine, a dit, je cite, « Les gens du New Jersey aiment l'idée qu'ils ont quelqu'un pour leur servir leur gaz et je ne crois pas que ça va changer de sitôt. » Eh bien, en 2015, on a essayé d'enlever cette loi-là. On a quand même réussi à tempérer la loi en recommandant que les stations-service accrochent des pancartes sur les pompes de gaz pour rappeler aux gens d'éteindre leur moteur. Le texte recommandé avait l'air donc un petit peu désespéré en disant, je cite, « Do not, under any circumstances, set yourself on fire. » Donc, sous aucune circonstance, écrit en majuscule, de donc ne vous mettez pas en feu. Je pense que j'ai autant de problèmes de voix que d'autres en ce moment. Je sais pas pourquoi. Je n'ai pas parlé si fort que ça pendant la fête de semaine, pourtant. Voilà, donc c'est pour le projet de loi au New Jersey par rapport au gaz. Ensuite, parlons d'Olympique un petit peu. Un coureur olympique de l'Éthiopie n'arrivait pas à trouver une paire de souliers confortables. Donc, il a couru le marathon olympique de 1960 à Rome, pieds nus. Il a fini, il a terminé premier. Et il a même eu un nouveau record mondial. C'était en 1960, un Éthiopien. Aux Olympiques de Berlin en 1936, l'équipe basketball masculine a battu le Canada 19 contre 8 pour gagner la médaille d'or. Les Jeux avaient lieu à l'extérieur sur un terrain de terre alors qu'il faisait qu'il mouillait dehors. Donc les conditions ont empêché les gens de dribbler. C'est pour ça que le score était aussi peu élevé. Donc 19 à 8 parce qu'on pouvait pas dribbler, c'était de la boîte à terre. C'est quand même drôle. 1936 à Berlin. Pas besoin. Toujours aux Olympiques de 1956, un étudiant australien a réussi à imiter un porteur de torche, comment est-ce qu'on appelle ça en français, mais en tout cas la personne qui transporte la torche olympique. Donc il a donné au maire de Sydney une patte de chaise peinturée, hein, avec une paire de sous-vêtements en feu en haut. Il lui a donné ça au maire de Sydney devant une foule de milliers de personnes. Un bâton peinturé avec une bobette en feu. C'est de toute beauté, c'était aux Olympiques de 1956. Tiens, on a déjà terminé le bloc olympique. Passons à Sao Paulo, la ville de Sao Paulo qui a passé une loi qui s'appelle la Clean City Law. Donc la loi d'une ville propre. Il y a une décennie pour bannir les publicités à l'extérieur. Il y a plus de 300 000 pancartes d'entreprises, des panneaux publicitaires, des affiches, des abribus, des publicités sur les taxis qui ont été retirées. Enlever les publicités a révélé quelques problèmes du côté civique, dont entre autres des quartiers plutôt pauvres qui étaient précédemment masqués par des publicités. On a commencé à les voir parce qu'on a enlevé ces publicités-là, des gros panneaux publicitaires. Alors on peut voir une grosse galerie de photos sur assemblagerequis.com. Il y en a vraiment énormément. Et on voit que pendant certains bouts de temps, les pancartes étaient enlevées, mais les cadrages pour mettre les pancartes, eux, étaient restés. On a fini par les enlever plus tard. Mais ça fait quand même joli parce que dans certains quartiers, il y avait des pancartes, mettons, de dépanneurs, des enseignes et tout ça, on les a enlevées. Et là, les bâtisses ont été repeinturées derrière, donc ça rend le quartier plus coloré. Ce qui est plate, par contre, pour les commerces, c'est que, bon, tu peux pas savoir qu'il y a un dépanneur là. Faut que tu sois, genre, vraiment, j'imagine que c'est affiché, je sais pas où, sur la porte, un petit texte. Je sais pas comment on fait, en fait, pour savoir qu'il y a un commerce là. Je clique sur les photos et je ne vois pas. Non, on dirait vraiment que les bâtisses sont toutes fermées. Impossible. Bref, allez voir les photos sur assemblagerequis.com si ça vous intéresse. Un homme est entré dans un Walmart en portant une veste d'employé. Vous vous rappelez, tantôt, j'ai parlé du gars qui transportait un bâton peinturé avec une bobette en feu. Donc, un homme un peu dans le même genre est entré dans un Walmart en portant une veste d'employé. Il a dit à la caissière ou au caissier qu'il voulait... que l'employé était demandé au bureau du boss. Hein? Il a commencé à aider les clients qui attendaient en ligne. Il a vidé la caisse enregistreuse comme à la fin d'un quart de travail. Et puis, il est sorti du Walmart. On dit qu'il a volé peut-être 3 autres Walmart aussi. Donc, il portait simplement une veste bleue, un petit par-dessus bleu, et il a remplacé la personne en ligne. La personne à la caisse n'a pas reconnu cette personne-là, mais a quand même accepté. Bon, ça doit être un nouveau boss, on sait bien. Tout est en train de changer, ça. Étrange, mais ça a fonctionné. Un homme de la Floride a composé le 911 avec ses fesses sans faire exprès. Tu sais, des fois, on bot dial parce qu'on met le téléphone dans la poche en arrière. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais il y en a qui le font. Les filles surtout. Donc, un homme de la Floride a composé par erreur le 911 dans sa poche alors qu'il était en train de discuter de ses plans pour commettre un meurtre. On l'a accusé de meurtre au premier degré après avoir discuté, donc... après que l'homme qui discutait ait été trouvé... With first degree murder, after man discussed. C'est vrai, il a dit cette phrase-là. After man discussed. En tout cas, bref, il y a un homme qui a été trouvé tiré dans une voiture après s'être chicané avec des meurtriers à une maison Waffle House. Donc, le coupable avait discuté de ses plans de meurtre au téléphone. C'est ce qu'on en comprend. La phrase n'a absolument aucun sens. Allez, l'article, c'est sur cbsnews.com. Donc, la source est sûre, mais la personne qui a retapé le texte, un petit peu moins sûre. Scott Simon est le nom de la personne, un homme de la Floride. J'essaie de lire dans l'article. Oui, c'est ça. Ok, donc il a discuté au téléphone de son plan de tuer un homme qui a plus tard été retrouvé tiré par une balle de fusil. Voilà. Le reste des détails m'importe peu. Ensuite, ça c'est vraiment intéressant. Ça fait très longtemps que je suis assis sur cette nouvelle-là. Je l'ai mis dans mes favoris pour une autre chronique qu'on fait jamais. Donc je vous en parle, c'est un fait, parce que quand même j'ai réduit au minimum le nombre de chroniques dans ces émissions-là. Pour ceux qui sont amateurs de Kmart ou de vieux trucs super rétro, tu sais, dans le temps il y avait un Kmart, un Zellers à Trois-Rivières. Kmart, ça ressemblait énormément à ça. Ils avaient des spéciaux qui s'appelaient les Blue Light Special. Donc un ancien employé de Kmart, Mark Davis, était en charge, s'occupait des cassettes audio qui était diffusé dans le système de son, dans les colonnes de son du magasin. La compagnie, donc Kmart, envoyait ces cassettes-là de façon hebdomadaire ou de façon mensuelle, dépendant du magasin, dépendant des promotions. Et le gars, sa job, c'était de mettre les cassettes dans le lecteur de cassettes, appuyer sur play et la faire jouer en boucle. quand même simple comme job. Donc, les cassettes étaient remplies de musique, d'ascenseurs, de messages publicitaires, de ventes. Et plusieurs, évidemment, sont encore aujourd'hui en bonne forme, et d'autres sont en mauvaise forme parce qu'elles ont été jouées énormément souvent. Ce qui fait que Mark Davis est intéressant, c'est que non seulement il y a des cassettes jusqu'aux années 80, mais c'est qu'il a envoyé sur Internet un gros paquet de ces cassettes-là sur l'Internet Archive. Ça fait vraiment très longtemps. C'est arrivé genre... c'était quand? C'était en octobre 2015. Hein? Quand même. Mais vous avez peut-être pas entendu parler de ça, donc on va en écouter quelques-unes. Des exemples audio donc de Kmart. On va en écouter un. Il y a 56 messages sur Internet Archive. Quelques favoris de mentalfloss.com. Commençons par celui-là. Oh, est-ce que ça commence? Oui. C'est une cassette d'une heure et demie. Il y a sûrement un son de... Ah! Oh oui! The best to you from Kmart Radio. Le meilleur pour vous de Kmart Radio. KMRT. KMRT. Ah! Ça, c'est beau. Que c'est beau. On va avancer un petit peu si ça ne me dérange pas. Je vais trouver un message publicitaire. T'as pas. On va trouver un message. Ah oui, un petit message. Four C or D cell batteries for only $3.49. Or get a 2-pack of 9-volt batteries for $3.49. These long-lasting alkaline batteries can help take care of all those numerous gadgets around the house. Stock up on every now and enjoy the savings that keep on going and going and going. Sur ces batteries qui n'arrêtent plus. Stop. Have you forgotten anything? Avez-vous oublié quelque chose? If you haven't checked out our semi-annual lingerie sale, our entire collection of intimate apparel is on sale now. You'll find name brands like Playtex, Hainsway, Just My Size, Fruit of the Loom, and many more. Et plusieurs autres. We're committed to offering you intimate apparel with unquestionable quality and fit. And if you're still not sure, how about the fact that you can use our convenient layaway to take advantage of our great sale prices? Aussi, mettre les produits de côté pour profiter our semi-annual lingerie sale ends July 25th. Don't miss out on one of our most popular events. Ne manquez pas un de nos événements les plus populaires. Shoppers, okay. Many cities have local ordinances prohibiting smoking on the sales floor of a retail store. Plusieurs villes ont une loi vous empêchant de fumer dans vos magasins. All smoking materials in the containers provided at the entrance to the store. Thank you for not smoking. Merci de ne pas fumer. Un autre jingle, un autre jingle. Non, c'est notre pub, ça. C'est une chanson. J'écouterai ça toute la journée, pour vrai. Allez voir ça sur Internet Archive. En cherchant le mot-clé « Attention Kmart Shoppers ». Comme je disais, ça sort du mois d'octobre dernier, mais ça m'intéressait trop pour ne pas en parler, voilà. Ah, je pense que je vais faire les prochains liens sur cette chanson-là. En fait, le prochain fait a tellement de rapport avec ça qu'on va laisser la musique derrière. Ah, ça va chanter, hein? Ah non, si ça chante, je vais l'arrêter. Il y a des terrains de jeu aux États-Unis. C'est très populaire pour les personnes âgées, apparemment. Ça gagne en popularité. Apparemment que c'est très commun dans d'autres pays. Je sais qu'il y en a ici aussi, au Québec, des... comment on appelle ça, des parcs d'entraînement, voilà. Il y en a à Trois-Rivières, d'ailleurs. Et bien, ça a commencé en Chine il y a quelques décennies, et depuis ce temps-là, c'est devenu populaire en Asie et en Europe. Et maintenant, ça commence à prendre de la popularité aux États-Unis. Des compagnies comme Kaboom et Must Have Play travaillent donc pour faire de ces terrains de jeu-là, plus populaires. Les parcs ont des équipements d'exercice à faible impact, donc ils ne vont pas faire mal aux genoux, aux articulations, aux muscles, etc. Donc il y a des elliptiques, des vélos stationnaires, des jeux de dextérité pour les personnes âgées surtout. Les activités sont faites pour améliorer la balance, l'équilibre et la flexibilité. Vous n'allez pas avoir des jouets pour enfants, mais des jouets pour adultes dans les parcs maintenant. En plus d'évidemment encourager la santé, les parcs donnent des avantages mentaux et sociaux à ces visiteurs-là. Ça peut servir d'endroit pour se rassembler pour les personnes âgées. Ensuite, un jeu télévisé qui aurait pu tuer ses participants. Ça s'appelle The Chamber sur Fox. C'était en 2002. Jusqu'où iriez-vous pour gagner 100 000 $ le moment de l'article? Est-ce que vous accepteriez d'être enfermé dans une boîte et être assujetti à plein de choses extrêmes comme le chaud et le froid? Eh bien, les participants de l'émission télévisée The Chamber sur Fox devaient vivre ça. Ça a été diffusé seulement pendant 3 épisodes en mois de janvier 2002 avant d'être retiré des ondes. Il y a 3 autres épisodes qui ont été filmés mais qui n'ont jamais été diffusés. La prémisse de l'émission était simple. Plus vous pouviez supporter les conditions dans la chambre en répondant évidemment correctement à des questions de connaissances générales, plus d'argent vous gagnez. Les participants devaient répondre à, donc, à 25 questions au total pour gagner les 100 000 $. Il n'y a aucun participant dans les 6 épisodes qui a réussi. En fait, dans les 3 épisodes diffusés. Les 3 épisodes filmés non diffusés n'ont jamais été révélés. On ne sait pas encore si quelqu'un a gagné. Donc, le problème de l'émission était évidemment le centre, la chose la plus importante, la chambre elle-même. Essentiellement, c'était une chambre de torture. Les participants étaient attachés à une table à l'intérieur de la chambre et vivaient, comme je dis, des températures extrêmes, des jets d'eau, des contracteurs musculaires et des niveaux d'oxygène qui baissaient sans cesse. Les participants dans la chambre étaient là pendant jusqu'à 7 rondes, durant une minute chaque. Les rondes avançaient, les conditions de la chambre empiraient. Dans les 3 épisodes qui ont été diffusés, il y a un seul joueur qui a survécu aux 7 niveaux. Les fonctions de la chambre dépendaient de quelle chambre, dans quelle chambre on était situé. Donc le choix était entre une chambre chaude et une chambre froide. C'était choisi au hasard, c'était pas le participant qui choisissait, c'était un ordinateur. Dans la chambre chaude, les participants faisaient face à plein de choses. Donc, pour commencer, de la chaleur à partir de 43 degrés Celsius ou 110 degrés Fahrenheit, montant jusqu'à 170 degrés Fahrenheit ou 66 degrés Celsius. De vraies flammes qui entouraient le participant, des flammes qui grandissaient, poussaient, puis le jeu avançait. Un contracteur musculaire attaché aux membres du participant. Des tremblements de terre simulés, donc sur l'échelle de Richter à 5,0, ce qui montait jusqu'à 9,0. La chaise commençait à tourner en avant, en arrière, au niveau 2, ensuite en haut et en bas, 270 degrés, et finalement tournait en cercle complet. Lors de la dernière émission diffusée, des odeurs déplaisantes étaient envoyées dans la chambre après la 4e ronde. Des vents jusqu'à 40 000 à l'heure ou 64,3 km/h au niveau 2. Des niveaux d'oxygène qui descendaient pendant tout le jeu, donc de 90% au départ jusqu'à 70%. Des canons d'air qui envoyaient des vents jusqu'à 140 000 à l'heure. Si la chambre froide était choisi par l'ordinateur, le participant recevait des températures à partir de moins 1 degré Celsius ou 30 degrés Fahrenheit jusqu'à moins 20 Fahrenheit ou moins 29 degrés Celsius. Les contracteurs musculaires et les tremblements, oui, d'un tremblement de terre étaient pareils comme dans la chambre chaude. Les jets d'eau envoyaient de l'eau sur les participants, causant donc de la glace qui se formait sur leur corps. Des jets de glace étaient envoyés sur le participant. Des vents jusqu'à 40 000 à l'heure ou 64,3 km/h à partir du niveau 3. Des niveaux d'oxygène qui descendaient de 95% à 70% et des canons d'air qui envoyaient du vent jusqu'à 140 000 à l'heure, pareil comme dans la chambre chaude. Clairement, des précautions devaient être prises pour s'assurer de la sécurité des participants dans le jeu télévisé The Chamber. Donc, ils étaient aussi branchés à un moniteur de pression sanguine et de cœur, de leur rythme cardiaque, bien sûr. Donc, si à n'importe quel moment du jeu, ils étaient incapables de continuer selon les tests, le jeu arrêtait. Le joueur pouvait aussi arrêter le jeu en criant « Stop the Chamber !» ou évidemment en tombant dans les pommes. Oui, c'est absolument vrai. Et ça n'arrêtait pas là. Si l'émission n'avait pas été retirée des ondes, il y avait d'autres chambres qui auraient été introduites. On dit par les rumeurs qu'il y aurait eu une Water Chamber, une Electricity Chamber et une Animal and Insect Chamber. Donc une chambre d'eau, d'électricité et d'animaux et d'insectes. Oh wow! La vidéo qui est sur assemblagerequis.com montre le participant Scott Brown. C'est celui qui a duré pendant les 7 niveaux dans la Cold Chamber. Et il a gagné 20 000 $ pour ses efforts. Félicitations. C'est pas très surprenant, mais la réaction du public et la réaction critique à la série a été plutôt négative. Certains exécutifs haut placés chez Fox aimaient l'émission. Ils disaient que ça brassait un petit peu la cage des jeux de télé-réalité, mais de jeux télévisés. Mais la performance dans les codes d'écoute n'a pas justifié la reconduite de l'émission, malheureusement. On dit que la Cold Chamber pouvait induire de l'hypothermie ou du frostbite, là, tu sais, les brûlures par glace, je sais pas trop quoi. Et alors que la Hot Chamber pouvait causer des heat stroke, donc quand t'as chaud, puis je sais pas trop comment t'appelles ça, et des brûlures sévères aussi. Donc c'est pour ça que l'émission n'a pas été très populaire. Maintenant, on parle de la Suède qui a raccourci la journée de travail à 6 heures. Dans sa quête pour rester un des pays les plus heureux au monde, de plus en plus de compagnies en Suède réduisent la journée de 8 heures à 6 heures. Un développeur d'application basé à Stockholm, Filimundus, a fait le changement il y a quelques années. Ils n'ont pas vu de descente dans la productivité. Pour réussir à survivre avec une journée de 8 heures, normalement, on met des pauses, longues pauses de dîner, etc., etc., selon le CEO de la compagnie, donc le Chief Executive Officer, Linus Felt. Il dit, je cite, « Mon impression là-dedans, c'est que c'est maintenant plus facile de focusser plus intensément sur ton travail et avoir l'endurance pour le faire tout en ayant toujours de l'énergie à la fin lorsque tu quittes le bureau. » Il y a une compagnie technologique, Brath, qui est passée à une journée de 6 heures il y a 3 ans et dit que ce changement-là leur permet de garder leurs employés plus longtemps. Journée de travail de 6 heures. En 1997, un garçon de 14 ans, Nathan Zoner, a été capable d'avoir de faire voter 43 étudiants sur 50. Ils ont voté pour bannir le monoxyde d'hydrogène. Est-ce que c'est ça en français? Bref, ce qui est de l'eau pour son projet en science. Son projet était de prouver que l'utilisation de vrais faits pouvait mener à un public ignorant à amener de mauvaises conclusions. Il a gardé donc le premier... Il a gagné, oui, voyons, je m'en fâche, dommage. Et il a gagné le premier prix après avoir réussi à faire bannir ça. Donc, The Hydrogen Monoxide, en français, il me semble que c'est un petit peu différent. On va aller voir ça. Tout le monde a la réponse là, à la maison, mais monoxyde d'hydrogène, c'est pas mal ça finalement. Pas mal ça. Donc, DHMO, c'est comme ça qu'on appelle de l'eau. Un garçon de 9 ans, toujours chez les jeunes, un garçon de 9 ans nommé Ben Duskin, qui était en rémission d'une leucémie, a utilisé son souhait de Make-A-Wish. Vous savez, la fondation Make-A-Wish qui vous permet de faire un souhait quand vous êtes enfant malade. Donc, pour créer un jeu vidéo pour aider les autres jeunes patients à endurer et à se battre contre des maladies. Donc Ben Duskin, qui avait 9 ans, qui était en rémission de leucémie, Ben jouait à des jeux d'ordinateur et commençait à penser à peut-être faire quelque chose de positif pour les autres enfants qui vivent la même chose. Donc son souhait a été de faire le design, créer un jeu vidéo qui allait aider les enfants. Il a reçu de l'aide de Eric Johnston, un ingénieur logiciel senior chez LucasArts pour créer le jeu. L'objectif du jeu est de détruire des cellules mutantes et de ramasser 7 boucliers qui vont protéger d'effets secondaires communs et de la chimiothérapie. Les boucliers sont gardés par des monstres, donc le froid est par le Iceman Monster, un peu à la Mega Man. Le vomi est par Robarf Monster. La varicelle est par Big Chicken Monster. La fièvre par Fire Monster. Le saignement par Vamp Monster. La perte de cheveux par Q-Ball Monster. Et la démangeaison par Tornado Monster. 3 niveaux de santé qui servent comme munitions dans le jeu. La santé qu'on peut recevoir à l'hôpital, les qu'on reçoit à la pharmacie et l'attitude qu'on reçoit de la maison. Le jeu a été très bien reçu par les patients, les docteurs et les gamers partout dans le monde. Téléchargé plus de 200 000 fois dans ses premiers mois. En 2004, Ben a été nominé par la Make-A-Wish Foundation, oui, comme Unsung Hero for Compassion, donc un héros pour la compassion. En 2005, Ben et Eric ont tous les deux reçu des hommages à San Francisco. Ils ont pu rencontrer le Dalai Lama. Ensuite, une porn star italienne, Ilona Staller, qui travaillait comme membre du Parlement, a continué de travailler en faisant des vidéos pornographiques pendant qu'elle était dans sa carrière de politicienne. Souvent, elle faisait des discours avec un sein exposé et elle a même offert d'avoir des relations sexuelles avec Saddam Hussein en échange pour de la paix, pour la paix, oui, dans la région. En 2013, un travailleur américain en soutien technique ou en informatique a outsourcé, comme on appelle, son emploi à un homme en Chine. Outsourcing, c'est quand on fait faire le travail de quelqu'un ailleurs, par exemple au soutien technique d'une compagnie de télécommunications. T'appel était en Inde ou quelque chose comme ça. Donc, il payait l'homme le cinquième de son salaire et il s'assoyait à son bureau pour aller sur Internet juste niaiser. On a découvert ce qu'il faisait après un audit de sécurité qui a découvert des activités suspectes par un VPN, donc un Virtual Private Network, quand on fait passer sa connexion Internet par un autre pays. Donc, c'est comme ça qu'il s'est fait prendre. Le programme de recyclage de la Suède, on a parlé de la Suède tantôt, hein, qui est tellement efficace, 99% des déchets des maisons sont recyclés. La Suède importe même 700 000 tonnes de déchets de d'autres pays. Ça se passe en Suède. Les Japonais travaillent sur le développement d'une technologie pour transmettre de l'électricité sans fil. Leur but est de transmettre de l'énergie à partir de panneaux solaires en orbite jusqu'à la Terre en 2030. Ils ont réussi à transmettre 10 kW d'énergie à une distance de 500 mètres. Donc ça avance tranquillement pas vite. Un homme a déjà fabriqué un sandwich au poulet littéralement à partir de rien du tout. Il a fait pousser un jardin, il a fait pousser son propre blé, il a tué son propre poulet, il a voyagé pour faire bouillir de l'eau d'océan pour avoir du sel, pour faire son propre sel finalement. Ça lui a pris 6 mois, ça lui a coûté 1 500 $. Le résultat, ben, ça goûtait pas si bon que ça comme sandwich. Il y a une photo de son sandwich sur assemblagerequis.com. Le plus longtemps que quelqu'un a réussi à survivre sur un bateau à la mer, un bateau, comment dire, qui coulait... un shipwreck, comme on l'appelle. C'était de 133 jours. C'était un homme chinois nommé Poon Lim. Il a survécu en pêchant, en buvant du sang d'oiseau et en tuant un requin avec un contenant de l'eau. Une jug, une espèce de... pas un seau d'eau, mais une grosse... un gros contenant d'eau, bref. J'imagine en vitre. Miyamoto Musashi, c'était un homme du 17e siècle, oui, un japonais, un swordsman, donc j'imagine un gars qui se combat, qui fait des combats à l'épée, voilà. Deux fois, il est arrivé en retard à des duels, mais il a réussi à battre ses ennemis quand même. À son prochain duel, il est arrivé très, très tôt, à l'avance. Et il s'est caché. Parce qu'il y avait... il a réussi à se battre contre ceux qui s'étaient eux aussi cachés pour le battre. Bref, Miyamoto Musashi. Je vais voir juste pour le fun s'il y a un mot en français pour Swordsman. Probablement qu'il y en a un. Hein. C'est un, attention, un bretteur. Oh boy, je l'aurais jamais deviné. J'ai jamais entendu ce mot-là de ma vie. Est-ce que vous avez déjà entendu le mot bretteur? B-R-E-T-T-E-U-R. Jamais j'aurais trouvé ça. Mais merci Internet, un bretteur. Swordsman. Et ben! Est-ce qu'il y en a d'autres? Un épéiste, sinon on dit aussi un épéiste, mais en tant que tel, un bretteur. Si vous allez sur assemblagerequis.com, que vous allez voir la galerie de photos dans les c'est un fait de l'émission numéro 982, vous allez voir des poulets poilus. Donc des poulets poilus, pourquoi? Oui, ça existe pour vrai, des poulets poilus, ce n'est pas une blague. En fait, ils sont connus pour leur calme, leur tempérament amical. Ils sont parmi les volailles les plus dociles, les Silky, S-I-L-K-I-E, sont considérés comme un animal de compagnie, comment dire, imbattable, idéal. Eh bien, vous connaissez les firing squads, ceux qui tirent sur du monde, sont comme rassemblés ensemble, puis tirent sur une personne, là, c'était comme bien la mode dans le temps pour tuer quelqu'un à la place de comment on appelle ça? Ah oui, c'est ça, je voulais t'appeler, attends, français, firing squad. Beaucoup de recherches aujourd'hui. Un peloton d'exécution. Voilà. Encore une fois, j'avais exécution en tête, mais le peloton, là, j'aurais jamais deviné ça. Bref, un peloton d'exécution qui tirait, en fait, une cartouche vide pour tout le monde sauf un ou encore un, mais pas tous, ou un ou plusieurs, mais pas tous des membres. En fait, il n'y a aucun membre dans l'escouade qui savait à l'avance s'il utilisait de la munition armée. On appelle ça la Conscience Round, donc une ronde de conscience qui permet à chaque membre de croire que ce n'est pas eux personnellement qui a tiré le coup fatal. Donc vous comprenez, s'il y a quelqu'un qui va être tué parce qu'il a commis un crime ou a été trouvé coupable d'un crime, la Firing Squad est composée, mettons, de 5 personnes et c'est pas tout le monde qui va avoir une balle dans son fusil. Ça pourrait être 2 personnes, ça pourrait être 3, ça pourrait être 4, ça pourrait être... mais pas 5, on comprend? Et donc, comme ça, la personne va moins se sentir coupable d'avoir peut-être potentiellement tiré et tué quelqu'un. C'est quand même spécial, hein? Un peu comme les chiens, les moutons vont faire aller leur queue quand ils se font flatter. Je ne savais pas ça, un petit mouton qui se fait aller la queue, pareil comme un chien, c'est cute, hein? Apparemment que selon les tests... Tu vas avoir un meilleur résultat sur un test si tu portes un sarrau de docteur, de médecin, comparé à un sarrau de peintre. Même si techniquement c'est le même sarrau, tu vas avoir un meilleur résultat parce que tu te penses meilleur en portant un sarrau qui est selon toi un sarrau de médecin, selon des études. Ah, et pour terminer ce premier bloc, il y a une île fictive dans l'Atlantique Sud, sur la côte ouest de l'Afrique, à la latitude-longitude 0,0 qui s'appelle Null Island, N-U-L-L Island. Donc même si ça n'existe pas vraiment dans la réalité, ça sert comme trappe d'erreur pour les systèmes de map. On a déjà parlé souvent de ça, qu'on inscrit une fausse rue, une fausse ville, un faux pays, peu importe, pour tromper les gens qui copient les maps. Donc c'est une compagnie qui a cartographié une place, puis qu'après ça, quelqu'un d'autre vole les plans. Ben on sait, en ayant mis la Null Island, que cette carte-là a été copiée, parce que c'est eux qui l'avaient créée, ce Null Island-là. Bref, les enthousiastes, ceux qui aiment les maps, lui ont donné sa propre histoire, sa propre géographie, même son propre drapeau. Donc, vous pouvez aller voir la page Wikipédia pour Null Island, N-U-L-L Island, si ça vous intéresse. Voilà pour le premier bloc de C'est un fait. Il y en a un deuxième dans quelques instants. Mais avant ça, on s'en va entendre une pièce du palmarès anglophone, celle du groupe Pop, ceux que j'aime bien appeler Poop, P-U-P. Et voici avec DVP tout de suite, Assemblage Wiki. C'est vous, Gabriel FFM. We'll be right back. Europe avec DVP. Ah, sur la truquée, je me suis fait reprendre par la chanson sur la torche olympique. Ah, oh, non, c'est la flamme olympique. Flamme, là, ça décrit le feu en tant que tel et sûrement la torche. Mais selon Wikipédia, la flamme olympique, aussi appelée torche olympique ou flambeau olympique, j'étais content. Ouais, c'est que c'est ça. Au retour de la pause, une deuxième partie de ça fait rester là. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Toujours à Assemblage Wacky pour la semaine du 15 août 2016. Je m'appelle Mathieu Plante, Tania Baudin est en vacances aujourd'hui. Pour la semaine, en fait, elle ne fera pas non plus son émission en piste avec Tania Baudin, mais retrouvez-la la semaine prochaine. Elle se remet du Grand Prix de Trois-Rivières qui avait lieu en fin de semaine et l'autre avant. Une femme bien occupée, c'est Tania Baudin. Mais je suis seul et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de contenu à faire, hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas mille choses à se dire. Donc, revenons tout de suite à nos bonnes habitudes d'apprendre dans cette première heure. Voici une deuxième partie de C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. C'est un fait, la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables selon Internet. Toujours comme à l'habitude, les sources sont sur assemblagerequis.com. Commençons en parlant de yeux. Une femme du nord de l'Angleterre a 4 cônes dans ses yeux qui fonctionnent bien. La plupart des gens en ont 3. Et à cause de ça, elle peut voir 99 millions de couleurs de plus qu'une personne moyenne. Wow! Elle en voit beaucoup des différences dans les choses qu'on... Moi, tu sais, on a déjà vu passer sur Facebook ou ailleurs la différence entre comment les filles voient les couleurs et les gars voient les couleurs. Il y a comme beaucoup plus du côté des filles qui peuvent différencier entre un saumon puis un rose puis un... Tu sais, nous autres, pas mal rouge, pas mal bleu. La plupart du temps. Il y a des requins, pas des requins, voyons donc, des requins. Foxes, des renards, requins, renards, ça se ressemble, qui peuvent sauter jusqu'à 3 pieds dans les airs et ensuite peuvent plonger à 3 pieds de profondeur à partir de 3 pieds dans les airs, donc revenir à la terre, dans la neige pour attraper des souris. Ils déterminent la vitesse et la trajectoire de la souris avant de plonger avec, de faire un plongeon, pfiou, avec une précision incroyable. Eh ben, il y a même des petits dessins pour vous expliquer l'angle que le renard utilise sur assemblagerequis.com, ça vous intéresse. Speedy Gonzalez, le personnage Speedy Gonzalez qui a été banni par Cartoon Network parce qu'il était un stéréotype qui pouvait offenser certains. Mais ensuite, il est revenu en onde sur Cartoon Network après une manifestation de la part de la communauté hispano-américaine. Bien sûr, hein? Donc c'était Cartoon Network qui a pris l'initiative de mettre sur les tablettes les films de Speedy Gonzalez lorsqu'ils ont eu les droits exclusifs, lorsqu'ils ont gagné ces droits-là en 1999. Il y a eu une grosse controverse. Mais Speedy Gonzalez reste très populaire en Amérique latine. L'organisation de droits hispano-américains, League of United Latin American Citizens, dit que Speedy est une icône culturelle et des milliers d'utilisateurs ont enregistré leur soutien pour le personnage sur des forums sur Internet. Les campagnes ont donc ramené Speedy Gonzalez en onde sur Cartoon Network en 2002. Maintenant, parlons d'un ours. Après avoir parlé de... C'est quoi, Speedy Gonzalez, une souris, je pense? On parle de Death Bear. C'est une personne déguisée en costume d'ours de 7 pieds de haut qu'on peut demander, on peut l'attirer en lui envoyant un message texte. Et comme ça, il visite les maisons à New York pour rassembler, ramasser des objets qui peuvent te rappeler une rupture. Tu sais, si mettons t'as des objets, bon, des vêtements, des CD, peu importe, de ton ex, et tu veux pas demander à ton ex de venir les chercher, ben t'attires le Death Bear par message texte, il vient les chercher, il les ramène. C'est déjà ça, c'est fort. Le jeu Twister, qui a presque été tué dans sa jeunesse, lorsque le catalogue Sears l'a rejeté parce que c'était trop sexy. Mais donc la compagnie allait abandonner. Le jeu a été sauvé par Monsieur Johnny Carson, l'animateur de talk show de fin de soirée, qui jouait à Twister avec Eva Gabor au Tonight Show. Et les ventes ont évidemment monté jusque dans les millions. C'est donc grâce à Johnny Carson qui jouait à Twister à la télé devant son bureau de talk show. C'était bien avant les frasques d'Éric Salvaire. Maintenant, Wim Hof, son surnom c'est Iceman, parce qu'il a la capacité, l'habileté de supporter des froids extrêmes. Il a déjà couru un marathon complet au cercle polaire à moins 20 degrés Celsius en ne portant que des shorts. offre 20 records du monde, dont le record mondial pour le plus long bain glacé. Il a brisé plusieurs son propre record en restant immergé dans la glace pendant 1 heure 13 minutes 48 secondes. Pour Guinness World Records en 2008. Le soir d'avant, il avait performé la même chose au Today Show. Wim a décrit sa capacité de supporter de la température froide extrême. C'est comme s'il était capable de monter lui-même son propre thermostat en utilisant sa tête, dit-il. En 2009, il a complété un marathon complet, comme j'ai dit tantôt, au-dessus du cercle polaire en Finlande, à des températures qui allaient près de moins 20 degrés Celsius ou moins 4 degrés Fahrenheit. Il était habillé avec rien d'autre que des shorts. Il a fini ce marathon-là en 5h25. Le défi a été filmé par Firecracker Films pour la BBC, Channel 4 et National Geographic. Le monsieur donc s'appelle Wim Hof, W-I-M-H-O-F. Il y avait un cinquième élément avec, bon, on connaît la terre, le vent, le feu et l'eau. On appelait le cinquième élément l'éther. L'éther, c'était quelque chose qui était un phénomène naturel comme la lumière ou la gravité. Le cinquième élément, l'éther. Eh bien, les usines de tabac peuvent facilement absorber les particules radioactives, ce qui fait que le polonium radioactif va s'installer dans les poumons. Ça peut être évité, mais l'industrie du tabac considère que laver ça serait trop cher. Donc, les usines de tabac absorbent facilement les particules radioactives. Oui, ce qui fait que le polonium radioactif va s'installer dans les poumons des gens qui travaillent, j'imagine, dans l'usine ou autour de l'usine, qui vivent autour de l'usine. Coûte trop cher à laver. La marque Rolex est devenue très populaire, très connue quand une femme a nagé dans le canal anglais en emportant une en 1927. Pas en emportant une comme elle a gagné ça, mais elle portait une montre pendant qu'elle nageait. Après avoir nagé pendant 15 heures, la Rolex Oyster qu'elle portait fonctionnait toujours parfaitement et donc Rolex est devenue une marque connue, populaire. Les vins importés sont souvent dans de grosses boîtes de vin lorsqu'elles sont envoyées. Un gros sac de vin va voyager à l'intérieur d'un container dans un bateau, par exemple. Donc le vin est dans des... attends un peu. Oui, c'est ça. Oui, c'est dans des sacs de vin. C'est pas dans des... Oui, c'est bien ça. Dans des sacs de vin. Eh bien, je sais pas ça. Il y a un hôtel qui est directement sur la frontière entre la Suisse et la France. Il y a un ensemble d'escaliers qui débutent en France et qui finissent en Suisse une fois rendu en haut. Les chambres du haut étaient donc idéales pour se cacher les membres de la résistance française pendant la Deuxième Guerre mondiale, se cacher des nazis. Ils n'avaient pas le droit. Les nazis n'avaient pas le droit de traverser du côté suisse. Les biscuits qu'on appelle fortune cookies en anglais ou les biscuits chinois comme on appelle des fois en français ont été créés par les Américains par des Japonais-Américains, donc des gens qui ont des racines japonaises mais aux États-Unis. Et à l'origine, étaient associés avec de la nourriture japonaise. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Japano-Américains ont été forcés dans des camps et les fabricants chinois-américains, eux, ont pris le contrôle de ce marché-là. C'est pour ça aujourd'hui qu'on associe les biscuits avec la nourriture chinoise. Notre vitesse de marche est affectée par la personne avec qui on est. En moyenne, une femme va marcher, les femmes qui vont marcher ensemble vont marcher plus lentement. Les hommes vont ralentir de 7% lorsqu'elles marchent avec une femme qui les intéresse. Et les hommes vont marcher avec leurs amis hommes plus rapidement que la vitesse préférée de marche de chacun de ces hommes-là. Donc, si t'es plusieurs hommes ensemble et que les hommes individuellement vont marcher à une certaine vitesse, en groupe d'hommes, on va marcher encore plus vite que ça. Est-ce qu'on se comprend? Évidemment, ça dépend de la longueur des jambes. Il y en a qui marchent encore plus lentement que ça. Tiens, j'en parlais étrangement la semaine passée, ça tombe-tu drôle, j'avais parlé de cette loi-là. J'avais lu un article qui disait, c'était une question, l'article, le titre était une question. Et j'ai dit qu'il y avait une loi qui disait que si le titre posait une question, la réponse était probablement non. Ça s'appelle Betteridge's Law of Headlines, donc la loi des grands titres selon Betteridge, B-E-T-T-E-R-I-D-G-E. Ça dit que si un grand titre finit par un point d'interrogation, on peut répondre avec le mot non. Il y a même un compte Twitter qui parle de ça, mais je me rappelle pas c'est lequel. Tu vois, la semaine passée, je me rappelais pas du nom de la loi, et là, je me rappelle pas du compte Twitter, ça va super bien. Attends un peu. Betteridge Law Twitter, voir. Pour le fun, juste pour le fun. Non, je le trouve pas. J'aurais pensé que ce serait le premier résultat, mais malheureusement, ce n'est pas. Maintenant, on parle de l'île Avery Island. C'est là que se situe la compagnie Tabasco. C'est aussi là que se situe la moitié des employés environ de l'usine. Il y a 200 employés, donc la moitié de ça, 100. Plusieurs sont des descendants d'employés qui travaillaient là il y a plus de 100 ans. Avery Island. L'astronome Arlo Shapley Elle était confus, ne savait plus trop quoi étudier. Il a décidé de prendre le premier cours listé dans le catalogue universitaire. Il était incapable de prononcer le mot archéologie à cause du AE au milieu, AEO. Donc il a sauté à la deuxième chose qui était l'astronomie. Et finalement, il est devenu un des astronomes les plus célèbres du 20e siècle. Arlo Shapley, juste parce qu'il ne savait pas lire le mot archéologie. Il y a un film qui s'appelle 100 Years, The Movie You Will Never See. Donc 100 ans, le film que vous ne verrez jamais, qui devrait sortir le 8 novembre 2115. Le contenu du film est présentement un secret, oui, qui devrait être révélé exactement à la sortie dans 100 ans. Un petit peu moins maintenant, là, on est rendu pas mal plus loin que novembre 2015, mais quand même. La ville de Giel, en Belgique, pratique ce qu'on appelle les soins de santé mentale déinstitutionnalisés. Hein? Désinstitutionnalisés, qu'on doit dire en français. Donc, les docteurs placent leurs patients avec des familles d'hébergement pour vivre. Donc, ils les envoient vivre là, dans des familles d'accueil. La tradition d'aider les personnes qui sont malades mentales ou avec un problème mental date de plusieurs centaines d'années. Donc, c'est à Giel, en Belgique. Le cri de Tarzan est une marque de commerce. En fait, on n'appelle pas ça le cri de Tarzan, on appelle ça le sensory mark. Un sensory mark. Mais en fait, c'est pas que le cri de Tarzan s'appelle comme ça, c'est que c'est ce que c'est. Donc, le cri de Tarzan est un sensory mark. La marque, donc, du cri, c'est une série d'approximativement 10 sons, disent-ils. Ça prend plus de 200 mots pour décrire techniquement comment Tarzan crie. Et le document est disponible sur tsdr.uspto.gov ou encore aller voir sur assemblagerequis.com. C'est écrit beaucoup trop gros pour que je puisse vous le lire. Est-ce que je peux dézoomer de ça? Attends un peu, on va essayer. Dézoomer. Oh oui, je peux. Cool. Oui, OK. Donc, la marque est le son du célèbre cri de Tarzan. La marque du cri consiste en une série d'approximativement 10 sons qui alternent entre la poitrine et un falsetto de la voix. Dans les étapes suivantes. Un son semi-long dans le registre de la poitrine. Deux, un son plus court qui monte d'un intervalle d'une octave plus un cinquième à partir du son précédent. Troisième, un court son qui descend. En tout cas, vous comprenez le principe, là, on décrit ça en 10 étapes. Intéressant. Lorsque les troupes américaines demandaient des questions des questions américaines pour éliminer les infiltrateurs allemands de la Deuxième Guerre mondiale, le général brigadier américain Bruce Clark s'est fait mettre un fusil à la tempe en 5 heures après avoir dit que les Chicago Cubs faisaient partie de la Ligue américaine, alors que ce n'est pas le cas. Je sais pas dans quelle ligue ils sont, mais ils sont pas dans la Ligue américaine. Donc on a essayé d'éliminer les infiltrateurs allemands. On pose des questions américaines, des questions typiquement américaines que comme l'Américain moyen saurait, et le gars il savait pas. Je pense que je l'aurais pas su non plus. Tu sais, c'est comme si on demandait une question à LNH, à un Québécois, pour prouver qu'il est Québécois. Oublie-moi, là. Ou même sur la politique québécoise, oublie-moi complètement. Je suis un traître. Gander, tiens, un chien de service à Terre-Neuve lors de la Deuxième Guerre mondiale, a sauvé une unité canadienne de soldats d'une grenade pendant la bataille de Hong Kong. Le chien a ramassé la grenade, a couru vers les ennemis japonais et il est mort lors de l'explosion, mais il a sauvé son peloton, peut-être, de soldats canadiens. Donc le chien s'est sacrifié. Gander, G-A-N-D-R. En 40 ans, les Looney Tunes et Merry Melodies ont été vendus. Et là, il va falloir écouter comme il faut, là, ce fait-là est un petit peu compliqué. Donc, en 40 ans, Looney Tunes et Merry Melodies, les dessins animés qu'on connaît tous, là, ont été vendus par Warner Brothers à Associated Artists Productions. Associated Artists Productions a été vendu à United Artists. United Artists a été vendu à MGM. MGM a été vendu à Turner Broadcasting. Et Turner Broadcasting a été vendu à, attention, Time Warner, qui fait partie de la grande famille Warner Brothers. Donc, on a complété la boucle et c'est revenu à la base, à la propriété de ceux qui avaient la propriété au départ. En 40 ans, on a fait la boucle parfaite. Le Costa Rica prévoit fermer les zoos et relâcher les animaux qui sont en captivité et éventuellement complètement bannir les zoos publics. Je dois dire que j'approuve fortement cette idée-là. Donc, Costa Rica qui va fermer les zoos. La raison pour laquelle les étudiants, les élèves, ont l'été de congé, c'est parce que dans les années 1800, il faisait beaucoup trop chaud pour aller à l'école. On sait qu'il n'y avait pas d'air climatisé quand même. Hein? Donc les étudiants ne se présentaient pas pour leurs cours, il faisait trop chaud. Ceux qui choisissent ou qui décident ou entérinent les lois, éventuellement ont compris que ça avait du sens et se sont battus pour que les mois d'été soient sans école pour les étudiants. Merci, hommes de politique. Hommes et femmes peut-être à l'époque, je sais pas. À Hong Kong et au Japon, McDonald's a une politique qui dit que leurs portes sont toujours ouvertes. Donc, les gens qui ne peuvent pas se permettre une place où vivre peuvent profiter de cette politique-là. Ils peuvent vivre dans un McDonald's et à cause de ça, on les appelle les mecs refuges. Fallait voir sur Wikipédia en cherchant McDonald's mec refugee. Il y a une page, paragraphe complet par rapport à tout ça. Ça existe pour vrai, c'est sur Wikipédia. Voilà pour cette chronique de C'est un fait. On a fait deux blocs. Je pense qu'on s'est quand même amusé. C'était pas pire. On prend une pause musicale avant de passer à Ça existe, ça ne devrait pas. Là, la prochaine pièce qu'on s'en va entendre est du côté anglophone. C'est une pièce de la formation Person. C'est en position numéro 16. Voici peut-être, votre propriétaire si un jour vous allez vivre dans un McDonald's. Ce sera une Electric Landlady parce qu'il faut bien qu'elle soit connectée dans le mur pour te faire des frites. À son verge requis sur ses... Person et à la très bonne pièce Electric Landlady à assemblage requis. Au retour de la pause, on va acheter des choses. Enfin, ça me manque à chaque semaine. Je veux tout le temps plus dépenser. Je suis en train de magasiner, sérieux. Je pense que j'ai un problème. Ça existe, mais ça ne devrait pas. Là, au retour. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. À Trois-Rivières, c'est le 89.9. C'est fou. C'est fou. Assemblage Rocky pour la semaine du 15 août 2016. Toujours avec Mathieu Plante. Tania Baudin va être de retour la semaine prochaine. Congé aujourd'hui à Aix. Se remet d'un gros Grand Prix. Non? Deux fins de semaine. C'est quand même beaucoup de job, tout ça, le Grand Prix. Donc, il va rater Assemblage Rocky. Il va rater son émission aussi en piste avec Tania Baudin le mercredi entre 14h et 15h. Il va être de retour la semaine prochaine pour tout au complet. Je pense qu'on va avoir rechargé ses batteries. Nous, toujours à Assemblage Rocky, l'émission matinale en pièces détachées, c'est le moment qu'on attend pour acheter des choses. Notre compte a été remis à zéro par, je sais pas, peut-être qu'on a gagné un concours, quelque chose, parce que non, pas tant de budget pour ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je vais juste me créer des besoins, puis mettre ça sur la liste pour plus tard, avec le reste de mes signets, j'en ai juste 3-4 000. Voici, ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Je regarde la liste des choses que j'ai parce que j'ai comme vraiment une liste de signets. Pour vrai, c'est pas des jokes, j'ai une liste de signets. J'ai achat genre un jour, j'ai achat bientôt, puis j'ai achat right now. Faut que je regarde combien j'ai de milliers d'affaires là-dedans parce que. Faut que je calcule le total que ça me coûterait si je voulais tout acheter ça. Chronique, ça existe, mais ça ne devrait pas là. C'est celle où on achète des gadgets sur Internet et où on le regrette instantanément. Commençons par. Par un bloc thématique. Que j'avais prévu faire à l'émission en piste avec Tania Baudet samedi dimanche passé, mais on n'a pas fait d'émission finalement dimanche. C'est un bloc thématique de souliers et de trucs qui roulent qu'on va faire aujourd'hui. Commençons par le périscope de Mike Lane. C'est un appareil analogue qui va libérer les cyclistes des douleurs de leur peau. Pas de leur peau, de leur cou. Pourquoi j'ai dit peau, je sais pas. Donc, le périscope s'attache à l'avant de votre vélo et va montrer la vue à l'avant sur une vitre horizontale. Donc, ça vous permet de voir ce qu'il y a devant vous alors que vous regardez en bas. Tu sais, un peu, des fois, les cyclistes, vont quand ils vont être sur une piste qui est très, très en ligne droite ou quand ils connaissent les coins, mettons, en vélo de course, ils vont regarder leur guidon pour être un petit peu plus aérodynamique et avoir moins mal aux épaules et au cou. Donc, c'est la même chose, sauf que là, il y a une caméra devant ton vélo qui va te montrer ce qu'il y a devant toi. Donc, le gars, Mike, il dit qu'il est lui-même un cycliste. Il est étonné d'avoir mal partout avec sa position normale. Donc, c'est pour ça qu'il a inventé ça. C'est un prototype qui est fait de prismes à l'intérieur de lunettes. Donc, c'est pour ça qu'il y a un genre de vue un petit peu segmentée. La version finale du périscope va avoir un seul long prisme. Bonne solution pour un problème qui existe vraiment. Fait donner $39 américains sur Kickstarter pour recevoir un périscope comme récompense. Donc, périscope. P-E-D-I-S-C-O-P-E. Ensuite, toujours chez les vélos, c'est le Varia Rearview Bike Radar qui fait le contraire. En fait, la place de regarder en avant, ça vous permet de regarder en arrière. Sauf qu'à la place d'avoir des miroirs, c'est un petit peu plus facile à voir. Donc, les cyclistes qui sont souvent dans le milieu de la route, là, il y a plein de gens de Québec ou peu importe de droite qui vont aller chialer sur ça sur Facebook. C'est pas de ça qu'on veut parler. Donc, le Varia Rearview Bike Radar par Garmin alerte les cyclistes d'un véhicule qui s'approche à une distance d'aussi loin que 150 mètres. Ce qui leur permet donc de se mettre un petit peu plus sur le bord de la route tout en minimisant les chances de se faire frapper. Parce que des fois, ils vont se mettre dans le milieu de la voie pour ne pas se faire frapper, pour pas que quelqu'un leur fonce dedans. Donc, ils vont pouvoir se mettre un petit peu plus proche du bord de la route et voir plus loin derrière eux. Il y a aussi, donc, ça va s'accoupler cet appareil-là avec des ordinateurs de cyclisme Edge, le Edge Computer, je connais pas trop ça, ou encore l'unité qu'on se met sur la tête, le Varia Head Unit. Ça peut aussi se connecter au Varia Smart Bike Lights. C'est des lumières clignotantes qui vont clignoter de plus en plus quand un véhicule va approcher, un peu à la Pokémon Go. Hein. Ça va envoyer une alerte aux conducteurs, aux cyclistes de la présence. Ça va envoyer une alerte aux conducteurs de voitures de la présence de cyclistes vulnérables sur la route. Donc, un excellent système pour la sécurité des cyclistes. Il faut quand même payer pour. Hein, c'est environ $250 américains pour le Varia Rearview Bike Radar. Ensuite, un casque de vélo maintenant qui ne va pas vous écrapoutir la tête. C'est donc un casque escamotable qui est vraiment très très beau en passant. C'était le seul casque que j'ai trouvé beau de ma vie jusqu'à maintenant. Ça s'appelle le Kloska Fuga Black Collapsible Helmet. Donc Kloska, C-L-O-S-C-A, Fuga, F-U-G-A, Black Collapsible Helmet. Qui offre donc une belle alternative au casque typique parce que ça rentre dans un sac en s'écrapoutissant, mais en ne vous écrapoutissant pas la tête. Ça reste vraiment aussi sécuritaire qu'un casque de vélo. Donc, c'est trois composantes circulaires qui vont se plier les unes dans les autres, un petit peu comme un plat Tupperware ou un plat à salade qu'on voit des fois qui sont escamotables, un peu comme une genre de poupée russe, mais sans Charles Lafortune. Donc, beaucoup plus facile de le mettre dans un sac. Ça a passé la certification en Europe, au Canada et aux États-Unis. Et ça protège, comme on dit, autant qu'un vrai casque. On peut précommander le Kloska Helmet pour 77$ américains. Vraiment très cool, vraiment très beau. Pour vrai, je sais pas, mais je trouve ça à la mode. On dirait une plus grosse casquette, ou je sais pas trop quoi. Il y a même un petit genre de devanture, un peu comme une casquette, là, mais plus petit. Mais on dirait vraiment que tu portes un bol à salade. Mais c'est un beau bol à salade, au moins. Hein? Ensuite... toujours chez les vélos, j'adore celui-là, c'est vraiment cool. C'est pour accrocher son vélo sur le mur. C'est un des problèmes que j'ai toujours eu avec mon vélo. Pour vrai, depuis que j'habite... là, cette année, j'habite dans un premier étage, donc pas le rez-de-chaussée, mais l'étage au-dessus, ce qu'on appelle des fois le deuxième étage. Et avant ça, j'habitais dans un quatrième étage, ce qu'on appelle un troisième ou un quatrième, en tout cas, troisième palier. Hein. Pour vrai, je ne fais plus de vélo. Parce que ça ne me tente pas de monter et de descendre autant d'étages. Je le mettais sur la galerie, il restait là tout l'hiver, ça rouillait, c'était incroyable. Donc, j'ai toujours cherché un moyen de mettre mon vélo à l'intérieur. J'en ai vu plusieurs, des vraiment beaux, mais c'était tout le temps super cher. Celui-là est pas si pire beau, mais vraiment pas cher. Ça s'appelle le Cycloc Endo. Donc, c'est un système pour mettre votre vélo sur le mur à la verticale. Vraiment bien. Parfait pour la maison, pour le bureau, le garage, pour un magasin peut-être de vélo. Très simple, très low profile, comme on dit, avec des pads pour les roues pour donc protéger les murs. Et les pentures peuvent accommoder donc des cadenas de vélo conventionnels. Donc tu mets ton vélo et tu mets aussi ton cadenas. Non seulement ça garde ton vélo hors du plancher quand t'es pas dessus, mais aussi ça transforme ton mur presque en œuvre d'art. Ton vélo en œuvre d'art sur le mur, on se comprend. Ça coûte seulement 70$ américains. Disponible en jaune, noir, blanc, vert, rose et rouge. Pour un mur, je pense qu'un blanc, ça pourrait être vraiment beau. Ça passerait complètement inaperçu. J'aime ça. C'est un petit peu métallique, on dirait, en tout cas. Mount Exclusive, ouais, les vis sont inclus. C'est fait de polypropylène rempli de vitres, mais sécurisé. Et comme je dis, il y a une protection pour pas que la roue fasse mal au mur. Vraiment cool. 70$ chez Cycloc, disponible sur yliving.com. Maintenant, toujours dans les vélos, le Buncho, oui, qui est l'enfant illégitime d'un vélo et d'un poncho, nous dit Ogizmo.com. C'est le résumé de la chose. Le Buncho, en fait, c'est un poncho à l'épreuve de l'eau qui va vous garder au sec pendant que vous faites du vélo, mais c'est que ça va pas juste te protéger toi, ça va aussi protéger ton vélo. Le Buncho a une section semi-rigide qui va par-dessus les poignets de ton vélo et qui protège tes jambes et ton... ton vélo, c'est pas un accessoire, on s'en fout un peu, mais c'est que ça protège tes pantalons quand tu fais du vélo. Même si t'as un parapluie ou que tu réussis à le tenir d'une main ou que t'as un imperméable, tes jeans, eux autres, ils vont mouiller et on sait très bien que les jeans, ça absorbe l'eau et ça finit que t'as même les bobettes trempent et les bas trempent, c'est pas le fun à la pluie, pas le fun du tout. Donc, deux bandes de tissu qui vont en dessous d'une section plus longue qui va permettre à l'utilisateur de tenir ça en place tout en agrippant les poignets. Donc, c'est toi qui tiens le buncho et les poignets en même temps. T'as l'air un petit peu fou en portant ça, on va se le dire, mais tu vas arriver à la maison pas mouillé pour 60$ américains sur... Est-ce que c'est sur Kickstarter? Oui. Donc, le buncho, B-O-N-C-H-O. T'as une petite capuche, dans le fond, c'est vraiment comme un imperméable normal. Donc, t'as la capuche par-dessus ta tête et la petite casquette star en avant. Ça te descend sur le corps et ça te descend aussi en avant de toi. Et tu viens agripper les poignets et le buncho en même temps. Et l'eau te coule dessus comme sur le dos d'un canard. Voilà. Extended style. Ensuite, celui-là, j'avais choisi juste pour Tania. Mo, t'as dit que c'est dommage qu'elle soit pas là. Faudrait que je lui envoie sur Facebook. Mais c'est des chandelles qui sentent l'huile à moteur. Elle qui aime tellement, pour vrai, là, je sais pas qu'est-ce que le monde a, là. Moi, j'ai pas ce comment dire, cette caractéristique-là d'être attiré par l'odeur du moteur, l'odeur des pneus qui crissent sur l'asphalte. J'ai pas ça. C'est pas inné. Peut-être que je pourrais l'apprendre, mais j'ai pas ça. Le gaz, j'ai rien de tout ça. Mais donc, il y a des chandelles qui sentent l'huile à moteur. Pour être super romantique, hein? Ça dit dans l'article sur thisiswhyimbroke.com, sans sacrifier votre masculinité. Je vois vraiment pas pourquoi seulement un homme devrait utiliser ça, mais bon, c'est fait de vraie huile de moteur. C'est une chandelle de cire de soya C'est donc dans une canne métallique, garage friendly, donc qui va fitter dans votre garage. Et ça relâche donc une fragrance de graisse. D'huile à moteur, $20 américains pour vous acheter ça. Two Flying Tiger Motorcycles Stroke Smoke. Ensuite, on a dit que c'était un bloc thématique sur tout ce qui roulait. Hein? Donc, Electric Off-Road Rollerblades. Tu sais, les rollerblades, c'est cool, sauf qu'on se pète tout le temps à gueule. Moi, je suis pas habile là-dedans du tout. J'ai de la misère à freiner. J'ai vraiment de la misère à freiner. J'ai jamais eu de bonnes expériences avec des rollerblades. Donc, maintenant, vous allez pouvoir vous promener en rollerblade dans le gazon, dans la terre, comme si c'était juste une route bien normale, avec des rollerblades électriques qui sont parfaits pour le off-road. Hein? Un peu tout terrain si on veut. C'est fait pour être heavy duty avec des. C'est un genre de chenille qui est en dessous de tes rollerblades. Donc c'est des rollerblades normaux avec des cordons, ça. Des snaps. Tu sais, des trucs de. Que tu. En tout cas, que tu snaps. Mais il y a aussi en dessous des chenilles. Ça peut se rendre jusqu'à des vitesses de 9000 à l'heure. Tout en voyageant pendant 12 miles sur une seule charge. $1400. 9000 à l'heure, évidemment. Tout le monde sait que c'est. Attention, alors, j'ai marqué KMG. Pas assez rapide. KMH. C'est 14,5 environ km/h et 12 000 en kilomètres, c'est 19,3. J'ai réussi à accrocher un bouton en même temps que je tapais ça. Je prends un bouton sur l'écran. Bizarre. $1400 pour des rollerblades, c'est vraiment super cher, mais ils sont très très beaux. Le bleu est vraiment adorable. J'aurais aimé par contre qu'ils mettent le même bleu que sur les cordons par rapport à la chenille. La chenille a un genre de bleu marine que j'aime vraiment pas. Je suis pas capable, le bleu marine, j'aime pas ça. Mais le bleu des lacets est mon genre de bleu. J'adore. Le genre de bleu nouveau Cogeco épatant. Maudit que je le trouve beau, ce bleu-là. C'est le même bleu qu'on avait pour le Zone Campus il y a 2 ans, puis ça me manque. Ensuite, toujours dans notre bloc thématique sur les choses qui roulent, j'ai appelé ça souliers et trucs qui roulent dans mes notes d'émission. Donc, on y va avec un homme qui invente des souliers qui poussent pour aider les enfants à travers le monde. Si la page peut se charger dans les prochaines secondes, est-ce qu'on va devoir passer au prochain? On y reviendra en fin de chronique. Donc, maintenant, on parle de souliers avec des lacets élastiques pour ceux qui sont un petit peu tannés de lacer leurs propres souliers. Ou les paresseux, oui, on va se le dire. Ceux qui auraient envie de ne pas lacer leurs souliers quotidiennement. Bien évidemment, et ceux aussi qui veulent pas porter du velcro, parce qu'on n'a pas 5 ans, quand même. Les Elastic Shoelaces. C'est un entre-deux, si on veut, selon Gizmo.com. C'est fait d'un élastomère Memory Fit Performance Elastomer. Donc, c'est un matériau élastique qui est quand même pas laid. Et ça vous donne la personnalisation que vous voulez à votre à la tightness, la serritude de vos lacets. Donc, tout ce que vous allez faire, c'est passer les lacets dans les trous, OK? Et vous les snappez après ça. Et chaque emballage en contient 14 et ça coûte $15. Donc, vraiment, c'est des lacets qu'on va mettre dans les trous normaux, là. Et ils vont garder leur tightness en tirant dessus. Tu vas tirer sur le système au complet, ça va venir serrer ton soulier, tu lâches et ça tient. Parce que c'est pas vraiment clair, c'est un peu difficile à expliquer à la radio. Mais donc, allez voir ça, ça s'appelle les Elastic Shoelaces sur assemblagerequis.com. Ensuite, allons-y avec Furoshiki. C'est des souliers qui entourent ou enveloppent vos souliers comme des bandages, comme des. Comme un bandage de momie, presque comme un bas, sinon comme un pansement si on veut. Bref, c'est l'idée. C'est Furoshiki Shoes. Ça a l'air très confortable. Ça s'enveloppe comme un bandage qui va se conformer à la forme de votre pied à la place de les forcer à vos pieds à se conformer à la forme de votre soulier. C'est produit par une compagnie italienne qui s'appelle Vibram. Vous connaissez peut-être, ils font des souliers aussi, Vibram. C'est un design de Masaya Hashimoto. Chaque soulier, si on veut, a une strap de velcro qu'on a juste à tirer dessus pour l'installer. Ça coûte environ $140 la paire, ça vient en plusieurs couleurs. Donc tu tires sur le velcro et ça vient se serrer autour de ton pied. Je sais pas comment l'expliquer autre que ça, là. Je dirais que ça ressemble un petit peu à tu sais là, les filles qui vont, ben les personnes qui vont porter un genre de top que tu vas venir faire comme un nœud. Ou tu sais que tu vas comme le ouais, comme un bikini, pas un bikini, mais un genre de petite chemise, une petite blousette que tu fais un nœud avec. Ça ressemble à ça, ok? Donc c'est plié par-dessus. C'est vraiment fait pour être comme des souliers, mais c'est vraiment bizarre. Le dessous est une vraie smile. Wait, can you smell what the rock is cooking? Le dessous est une smile, le reste est comme un genre de... Ouais, c'est ça, c'est vraiment dur à expliquer. On dirait un sous-vêtement, pour vrai, que tu viens attacher. Un petit sous-vêtement cute, mais avec une apparence un petit peu plus... jeans, je dirais. C'est vraiment difficile. Allez voir sur assemblagerequis.com, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Allez voir, il y a une petite vidéo aussi de démonstration, si jamais ça vous intéresse. Ensuite, toujours dans les souliers, c'est un spray qui va venir protéger. C'est un spray, non pas hydrophuge, mais hydrophobe. Donc, il va repousser l'eau et les liquides, même que dans la photo sur assemblagerequis.com, on réussit à éliminer du sirop de chocolat. Donc, pour que vos souliers restent frais et complètement à la mode pendant tout le temps, c'est une protection, c'est un spray qu'on va envoyer sur les souliers qui va créer une couche invisible faite pour prévenir et repousser même les taches et les liquides. Ça, pardon, ça fonctionne sur le suède, sur le cuir, sur le new box, je sais pas ce que c'est, et sur le canevas. Donc, il est $15 américains. C'est vraiment un spray, là, ça s'appelle le Crep Protect. CREP Protect. C'est l'ultime, ça dit The Ultimate Rain and Stain Resistant Barrier. Et ça paraît pas, t'as pas l'impression de porter quelque chose de plus. Allez voir sur les. Même ils font sur des Nike Air Yeezy Do, Red October versus du sirop de chocolat Hershey. Évidemment. Ah tiens, on peut revenir à notre homme qui a inventé un soulier qui pousse et qui aide les enfants partout dans le monde, The Shoe That Grows. 5 grandeurs pour 5 ans. TheShoeThatGrows.org. En 2007, un natif de l'Idaho, Kenton Lee, travaillait et vivait au Nairobi. Quand il a été frappé par le fait que plusieurs enfants se promenaient nu-pieds et qu'ils devaient faire entrer leurs souliers dans des souliers qui ne leur faisaient plus. Donc les familles pauvres du coin ne pouvaient pas se permettre d'acheter des souliers à chaque année pour suivre la grandeur des pieds de leurs enfants. C'est là que ça l'a frappé. Il pouvait peut-être créer un seul soulier qu'elle a poussé avec les pieds de ses enfants. Selon son site TheShoeThatGrows.org, plus de 300 millions d'enfants dans le monde vivent sans souliers et plusieurs transmettent sont à risque, oui, pour des parasites qui se transmettent par la terre, dont différentes maladies par les pieds. Sa solution, donc, c'est de 5x5, 5x5, une sandale ajustable qui grandit, comme je disais, 5 grandeurs pendant 5 ans. C'est fait pour garder les pieds de l'enfant couverts entre la garderie et la 4e année. C'est assez gros pour l'enfant moyen qui est en 5e année jusqu'à la 9e année. C'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, OK, je m'excuse, je vais me reprendre. Il y a deux souliers, le petit qui va aller de la garderie à la 4e année et le format grand qui va aller de la 5e année à la 9e année. Voilà. Évidemment, pour les grandeurs classiques, là, ceux qui ont des petits pieds vont pouvoir sûrement garder les premiers plus longtemps. La page Facebook dit que le soulier va être disponible dans différentes couleurs dans un futur pas trop lointain. Et ce qui est vraiment le fun, c'est que c'est très, très... le prix est très, très raisonnable. $12 par paire. Pour une paire de souliers qui va durer 5 ans, on sait qu'une paire de souliers de marque va être en moyenne entre 100, 200, 300 $. Il va durer quoi, 2-3 ans. Because International, une compagnie sans but lucratif, remplit présentement des gros sacs de sport de ces souliers-là et exporte ça à des endroits qui en ont besoin. Si vous voulez participer pour leur acheter une paire, vous pouvez voir le lien sur assemblagerequis.com. C'est crowdrise.com/dechoux. Pour ceux qui veulent donner une paire de souliers à des enfants dans le besoin. J'y regarde en ce moment sur assemblagerequis.com. Il y a juste une photo, j'imagine qu'il y a des vidéos à quelque part. Je crois que c'est les snaps en arrière du pied qui peuvent être désnappés et snappés plus loin derrière. Donc ça vient comme un petit peu faire un genre de paquet à l'arrière du pied. Quand t'as le pied petit, puis plus t'es grand, plus les snaps se snappent loin sur le soulier. Voilà. Ensuite... C'est un gadget qui est comme un genre de congélateur, mais qui sert à désodorifier, si on veut, désodoriser le mot, vos souliers, et en fait les nettoyer. Hein? Donc pour rendre votre maison un petit peu plus habitable en termes d'odeur, vous savez que Febreze ça sert absolument à rien, ça fait juste masquer l'odeur, puis ça nettoie rien, même si la pub dit de nettoyer la chambre, mais nettoie-la avec Febreze! Hey, en passant... Allez sur YouTube, faites comme moi, parce qu'apparemment qu'il y a eu deux doublages de la même pub de Febreze, et en anglais et en français, je crois. Donc on avait fait un doublage vraiment mauvais avec des acteurs que leur voix ne fitait pas, et après on refait un autre pub avec de nouveaux acteurs et leur propre voix. Bref, et j'ai appris qu'en France, ils appellent ça Febreze. Febreze, c'est tellement laid. Ça pour dire que rendez votre maison plus habitable avec ce Shoe Deodorizer, Sanitizer and Dryer. Vous avez juste à placer vos souliers puants dans l'appareil et ça va tuer jusqu'à 99% des bactéries et des virus sans aucun effet endommageable comparé à des trucs chimiques. Ça coûte $150 ce gadget-là. Regardez bien ça. T'as peur? Ah, c'est celle-là. Oui, exactement. OK, j'ai trouvé. Attention, c'est ici. On va écouter ça. Carl? Tu m'as dit que tes amis sont viennent? Non, c'est celle du Québec, ça. C'est plate. Non, je veux celle en France. Ah oui, c'est celle-là ici. OK. Lucas s'est habitué à l'odeur dans sa chambre. Il ne la sent plus. Son odorat est en panne. Alors nous l'avons mis au parfum. C'est ça qui se passe dans un gym. Le désodorisant textile Febreze élimine les odeurs de transpiration dans les chambres d'adolescents. Impressionnant. Pour que votre famille et vous puissiez sourire et respirer. Febreze! Moi, ça me fait rire. Bon, je suis peut-être seul là-dedans. Que voulez-vous? Je suis facile à impressionner. Ensuite, c'est 150$ en passant ce gadget-là. Restons dans les souliers, avec des souliers qui s'allument, qui s'éclairent, qui illuminent la chambre. Donc, vous allez avoir l'impression d'être sur un dance floor, quelque chose comme ça, avec ces souliers tout à fait blancs, dont la semelle vient avec des lumières LED qui brillent de 7 différentes couleurs, comme un genre de vert vomi, un genre de jaune et un genre de bleu. Pour 70$, Colorful Light Up Shoes, c'est sur Amazon.com, si ça vous intéresse, ça s'appelle les Deluxe Rechargeable LED Light Up Sneakers. Toujours accrocheur. Ensuite, pour ceux qui veulent polir leurs souliers, mais qui ne veulent pas s'engager un petit esclave, là, parce qu'on est plus, on est rendu en 2016, hein, faire polir ses souliers pour quelques petites cents de l'heure. Donc, c'est une machine à polir les souliers qui coûte 70$ pour donner à vos souliers un beau shine pour que vous puissiez vous regarder dedans sans les mains. Ça va automatiser chaque étape du polissage de souliers pour vous donner un buff professionnel. Dans votre propre maison, 70$, encore une fois. Une belle petite machine là, avec des brosses qui tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, je pense. Et puis, t'as juste à toi-même bouger ton soulier. Là, il faut quand même que tu bouges ton soulier. Fait qu'il va probablement falloir même que tu prennes ton soulier et que tu fasses chaner les côtés. Parce que je pense pas que tu puisses te mettre le côté du soulier comme facilement, ou le dessus du soulier. En tout cas, bref, allez voir ça. Ensuite... c'est toujours dans les souliers, un soulier avec ancre électronique. C'est cool ça. Tu sais, bon, il y en a qui ont plus de souliers que d'autres. Il y en a qui aimeraient ça avoir une seule paire de souliers, mais qui a plusieurs décorations dessus. Hein? Donc, c'est pour ça qu'on a inventé ce gadget-là. Ça s'appelle les Volvori Timeless. C'est des souliers, pour commencer, un soulier talon haut pour les personnes qui n'ont pas de talons haut, avec un écran à ancre électronique sur le côté. Et l'affichage peut être personnalisé avec une puce Bluetooth à l'intérieur et une application, évidemment, sur votre téléphone cellulaire. Vous pouvez changer les couleurs noir, blanc ou un pattern. Évidemment, il n'y a pas de couleur pour l'instant, mais avec du noir et du blanc, on peut faire plein de choses, plein de nuances de gris. Et on peut mettre des patterns, par exemple, ça pourrait être de la brique, ça pourrait être un peu comme sur les vieux ordinateurs, tu sais, quand on fond l'écran, c'était genre des petits cubes noirs et blancs. C'est vraiment beau, moi j'aime ça, ce genre de design-là. C'est à peu près ça, il y a juste un modèle pour filles. On avait déjà parlé d'un modèle pour hommes, entre guillemets, c'était votre premier homme il y a quelques semaines de ça. Vous pouvez acheter, ils ont ramassé 50$ sur Indiegogo. On demande $250 américains si vous voulez une paire de ces souliers talons hauts, Volvori Timeless, voilà. Il y a une vidéo de démonstration sur assemblagerequis.com, comme toujours. Maintenant, on reste dans les roues, on reste dans les choses qui roulent ou qui marchent, mais pour les chats, dans ce cas-ci, c'est une roue pour les chats, un peu comme une roue pour les hamsters, pour les chats d'appartement, ceux qui veulent courir partout, mais qui n'ont pas tellement la place dans l'appartement. Des fois, ils vont se mettre à courir d'un bord à l'autre du corridor. C'est le fun, mais ça fait du bruit. Donc, un groupe d'amoureux des chats de Poznan en Pologne a développé une solution. C'est un genre de roue pour hamster, comme je disais. Mais pour les chats, sur Indiegogo, ça s'appelle le Kuna Wheel. K-U-N-A Wheel. Nommé en l'honneur du premier utilisateur félin de ce gadget-là, qui devait s'appeler Kuna. C'est envoyé avec une série de morceaux de puzzle, on dirait un morceau de casse-tête, comme un meuble Ikea qu'on assemble soi-même à la maison, et par un logiciel à source libre qui va sur un ordinateur Arduino, on peut connaître la distance que le chat a parcouru, sa vitesse de course et le temps qu'il a passé dessus, et on peut le récompenser avec des gâteries appropriées, hein, c'est pas pire. On espère avancer 5000$, une portion va être donnée à des œuvres de charité pour chats en Pologne. C'est à peu près ça, $190 de dons demander pour en avoir un vous-même sur le site de Indiegogo. Ils espéraient se rendre jusqu'à $5000. D'après moi, ils sont rendus. On va aller voir les pages toujours très très longues à charger de Indiegogo. Hey boy, ça va pas bien. Ok, je pense qu'il reste encore du temps. Est-ce qu'il reste encore du temps? Wow, je comprends pas là, mais c'est marqué. Non, la campagne est terminée et ça s'est pas rendu. Ils ont ramassé $827 sur 5000. Wow, ils ont fait une très mauvaise job de marketing parce que c'est un bon gadget là. Faut vraiment que t'aies pas du tout lancé ça sur les médias sociaux pour réussir à ne pas avoir d'argent. C'est marqué $827 ramassé par zéro donateur. Donc j'imagine que $827, c'est l'argent que le gars a mis lui-même sur son projet. Zéro. Triste. Très, très triste. Maintenant, on a un chapeau. Un top hat. Là, tu sais, les chapeaux melon, genre. mais avec un GPS qui va vous permettre de naviguer avec style. Enfin, un appareil portable sur soi-même, portatif, qui combine une technologie de navigation avec le style du passé. Un groupe d'étudiants de la Cornell University a créé donc un chapeau GPS qui utilise des sons pour vous diriger main libre. Selon Hackaday, le chapeau va donc envoyer le son dans des écouteurs. Un mélange de ce qu'on appelle phase shifting et d'amplitude qui va faire que le son va sembler venir d'une seule direction spécifique. Les gens vont devoir suivre les sons qui vont les guider à gauche, à droite, en avant ou en arrière jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur destination. Selon différentes études récemment, le chapeau fait ça en utilisant les coordonnées GPS du chapeau, les coordonnées GPS de la destination et l'orientation de la tête de la personne pour produire du son par des écouteurs stéréo à deux canaux qui peuvent être perçus comme venant de la direction de la destination. D'accord. Donc le son de navigation, le chapeau de navigation n'est pas vraiment un remplacement pour votre appareil GPS, mais quand même, on essaie de rendre ça super cute, super beau. Ça pourrait être bon aussi pour les personnes qui ont un problème de vision, à la place de prendre les directives. Oui, c'est ça. Donc ça dit qu'à la place d'envoyer les directives comme tourner à droite dans un écouteur, le chapeau GPS va émettre un son constant qui va changer quand tu changes de direction. Donc si mettons, faut tout tourner par à droite, le bip bip bip va se faire aller, mais très tranquillement. Et quand tu vires de bord, ça va devenir gauche, bip bip bip bip, et ça va tout le temps suivre ta tête. C'est quand même cool, je trouve. Ensuite, on a parlé souvent du fait qu'on n'en parlait pas, parce que tout le monde sur Facebook en parlait, c'était la valise sur laquelle tu peux t'asseoir à l'aéroport. On n'en parle pas, mais on parle de la valise qui vous suit pour rendre votre voyage plus facile. C'est la Kawa Robot R1. Voyagez sans avoir à penser au poids de vos valises. Avec la Kawa Robot R1, c'est une valise robotisée qui incorpore une technologie robotique dans son ensemble. Résultat, ça peut vous suivre vos traces de façon autonome et ça rend votre voyage donc beaucoup plus facile, beaucoup moins stressant. Ça va rouler avec vous en mode sans les mains. Donc c'est un design de 20 pouces qui utilise une technologie de fusion multisensorielle et un algorithme de contrôle des mouvements robotisés pour permettre le suivi autonome et ça permet d'éviter les obstacles. Voilà. Donc Kawa Robot R1. Toujours dans le domaine des valises, c'est un sac en fait qui va pas vous suivre tout seul, mais à la place va vous suivre parce que c'est accroché à votre ceinture. C'est un peu moins technologique, sûrement moins cher aussi, 18$ américains, tu sais quand même. Donc ça s'appelle le My Hitch, qui va doubler votre productivité en vous libérant les mains. Ça a été inventé par un pilote de ligne aérienne. Ça s'accroche, donc ça accroche votre valise roulante, à roue évidemment, à votre ceinture ou à... votre ceinture ou à quelque chose d'autre que vous portez autour de la taille. Et ça va rendre possible de tirer votre sac, par vos fesses. Hein? Vous n'aurez plus besoin de choisir entre tenir votre café ou une conversation au téléphone ou votre valise dans l'autre main, vous manquez de main. Donc le My Hitch vous permet de faire du multitasking. 18$ américains, disponible maintenant. MyBagHitch.com. C'est littéralement comme un crochet qu'on accrocherait genre à une porte de salle de bain pour mettre sa serviette. Mais bon. Des lits robotisés maintenant. Tiens, tant qu'à avoir des valises qui vous suivent, pourquoi ne pas vous faire promener par votre propre lit? Votre vie est déjà assez stressante comme ça. Il y a des jours où vous ne voulez pas sortir de votre lit. Et bien justement, vous n'avez plus besoin de sortir de votre lit avec l'artiste Carsten Hall. Pour une démonstration au Hayward Gallery de Londres, il a créé ce genre d'œuvre interactive qui s'appelle Two Roaming Beds. C'est des lits robotisés qui vont automatiquement transporter les visiteurs du musée dans l'exposition pendant qu'ils dorment. Peut-être que notre futur sera comme ça. Comment savoir? Donc, littéralement, des lits robotisés. Ça ressemble un petit peu à des lits d'hôpital, robotisés en dessous avec des roues, comme ça. Et puis, vous promenez dans le musée. Tout ce qu'il y a de plus peinard. Ensuite, maintenant, c'est le contraire. Vous allez devoir bouger vraiment beaucoup, sauf que vous allez bouger dans le beurre en faisant de l'escalade à l'intérieur avec un tapis roulant d'escalade. C'est cool, ça ressemble énormément à genre Ninja Warrior. Tu sais, le jeu télévisé japonais où les gens doivent accomplir des défis. Dans la première saison, il y avait ça, c'est un tapis roulant vertical qui avançait par lui-même. Il fait que tu ailles plus vite que le tapis roulant. Il y a vraiment des prises d'escalade partout. Et tu dois, c'est ça, grimper pas plus rapidement, en ce cas-ci, à la même vitesse, parce que sinon tu vas manquer de mur. Ça coûte 9 950$. C'est vraiment pour vivre l'expérience de tapis roulant et de l'escalade en même temps. Vraiment cool. Et pour terminer, c'est souliers par la bande un petit peu, mais c'est un coffre-fort en forme de boîte à souliers Nike. Tu sais, Nike a des boîtes de souliers quand même cool. Mais si vous mettez vos affaires dedans, ce sera pas super sécuritaire. Donc à la place, vous allez mettre vos affaires dedans, mais le barrer comme un vrai coffre-fort, parce que dans le fond, la boîte est un coffre-fort sécuritaire, hein, pour garder les voleurs au loin. Donc l'extérieur complètement ordinaire cache un intérieur d'acier de 5 mm d'épaisseur. Ça vient avec un cam lock et des trous pré-drillés pour que vous puissiez l'accrocher au plancher dans votre garde-robe. Wow! Donc vraiment, la boîte est super sécuritaire avec une clé et tout ça. Vous pouvez visser la boîte dans le plancher pour être sûr que la personne ne part pas avec. Parce que tu sais, ça va être barré, mais si la personne part avec la boîte de souliers parce que tout le monde cache ses affaires dans une boîte de souliers, t'es pas ben mieux parce qu'il va réussir à l'ouvrir éventuellement. C'est sur The Mandem Safe. C'est ça? The Mandem Safe? T-H-E-M-I-N-D-E-M-S-A-F-E. Bon. The shoebag that's a safe. Safe. Voilà. Donc allez voir ça sur assemblagerequis.com si ça vous intéresse. C'est tout pour cette première partie de chronique. On a une deuxième tout à l'heure, mais avant ça, on s'en va entendre une chanson et ça tombe bien qu'on va l'entendre par nos oreilles, parce que ça s'appelle « Les oreilles » par Montréal Carnivore. Puis faites pas comme Mike Tyson puis mangez les oreilles des autres. Assemblage Requis, vous entendrez pas plus la chanson en mangeant les oreilles d'un autre. Numéro 3 francophone des palmarès, c'est fou. Au retour de la pause, plus de gadgets. Dans Ça existe, ça ne devrait pas, on l'a, restez là. Aujourd'hui. Vous écoutez écoutez Assemblage Hockey pour la semaine du 15 août 2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Tania Baudin a congé cette semaine. Elle va être de retour la semaine prochaine. Elle qui se remet du Grand Prix de Trois-Rivières. Parlant de sport, on a parlé tantôt de choses qui roulaient, mais il y a aussi des choses qui se lancent. Tantôt, il va y avoir du baseball, potentiellement, pour les auditeurs du mardi soir. On surveille la météo. C'est pas notre genre de faire ça. Habituellement, c'est fou, mais quand même, il y a de la pluie à 90 % prévu. 80-90 % et même 100 % entre 19h et... entre 19h et demain matin à 7h, Jean. Donc, ça me surprendrait qu'il y ait du baseball pour les auditeurs du mardi, mais restez à l'écoute, on va bien voir tantôt. Peut-être qu'il y en aura deux demain, on sait pas. Pour l'instant, nous, on va continuer. Comme on est rendu à la mi-chemin de l'émission, je m'étais dit, comme je suis tout seul, que j'allais jouer un petit peu plus de musique. Je l'ai pas fait depuis le début de l'émission, mais comme on est au milieu de l'émission, aussi bien en profiter pour aller jouer une autre pièce musicale du côté francophone. C'est par Stéréo Total. Je l'ai dédié à notre amie auditrice Jessica qui s'en va en Thaïlande. Mais comme j'ai pas de pièce qui s'appelle Fleur de Thaïlande, on va jouer Fleur de Hollande. Faut quoi? On fait avec ce qu'on a. Je n'ai pas d'odeur. Je suis une erreur. Une pâle fleur. De Hollande, je ne suis pas gay, je n'ai pas l'humour anglais, mais l'esprit en spirale. D'ailleurs, suis-je normal? Cette fille n'a pas d'odeur, cette fille est une erreur, cette fille n'a pas d'odeur, cette fille. Voilà, il pleut. J'adore la pluie. C'est triste, ça fait flic-flac dans les flaques comme moi. Je n'ai pas d'odeur. Je suis une erreur. Une pâle fleur de Hollande. Cette fille n'a pas d'odeur. Cette fille est une erreur. Cette fille. Cette fille. Je suis enfermée dans le corps, comme dans une carapace unicolore. Cette fille n'a pas d'odeur. Cette fille est une erreur. Cette fille n'a pas d'odeur. Cette fille. La pièce Fleur de Hollande à Assemblage Requis. Oui. Hollande et non Thaïlande. Maintenant, c'est le moment d'acheter d'autres choses parce qu'à un moment donné, c'est jamais assez. Je suis même, je te l'ai dit, j'ai un problème, je suis shopaholique. J'achète jamais rien, mais je magasine beaucoup. Voici une deuxième partie de Ça existe, mais ça ne devrait pas, là. Ça ne devrait pas. On a la chronique des gadgets qu'on achète sur Internet et qu'on regrette instantanément. On a une deuxième trolley de gadgets. Tantôt, on a fait 25 et je pense qu'on va en faire encore 25. Quand je suis tout seul, on a habituellement le temps de faire pas mal tout ce que je prévois. Donc, commençons encore un peu dans les voitures. Il en reste plus des gadgets de voiture. Je l'avais mis pas mal de côté. C'est un peu comme, tu sais, dans une voiture, quand t'as le pare-soleil. Sauf que c'est un pare-soleil que tu peux voir au travers. Tu sais, si vous êtes jaloux des chauffeurs d'autobus de la STTA qui ont les vitres teintées à la place d'avoir un vrai pare-soleil. Donc, c'est un peu la même chose. On remplace notre pare-soleil par celui-là et on peut voir au travers. C'est comme une lunette de soleil pour votre char. 13,32$. Sûrement que ça existait déjà. Moi, j'avais jamais vu ça. Ça s'installe en quelques secondes sans aucun outil et ça vous soulage des rayons du soleil. Ensuite, on parle de casquette qui vous permet de porter votre casquette très très basse, mais avec des lunettes de soleil ou des lunettes, peu importe. Je sais pas si vous avez déjà essayé de porter des lunettes de soleil et une casquette, mais la casquette va devenir, va comme passer par-dessus vos lunettes, ça va comme insérer la branche de la lunette dans votre tempe. C'est pas super confortable, donc c'est littéralement une casquette dans laquelle on a fait deux entailles sur les côtés pour faire passer la lunette. Ça a été inventé par un vétéran de la marine américaine, US Marine Corps. Donc c'est la casquette Notch. Notch, ça veut vraiment dire comme une entaille ou quelque chose comme ça, un trou qu'on a fait dans la... Pas un trou, mais une encoche, je dirais plus. Donc c'est un design breveté. Et puis ça vous donne assez de place pour vos lunettes de soleil. Différents styles, différentes couleurs, différents prix. Entre 25 et 30$ sur notchgear.com, oui. Pour plus d'infos. Ensuite, celui-là, là. J'aurais aimé avoir quelqu'un avec qui en parler. Je trouve ça vraiment très, très drôle. Tu sais, les serviettes humides qu'on utilise aux toilettes. Moi, depuis que j'ai... Et là, je vais aller dans les détails un petit peu trop, mais depuis que j'ai découvert les serviettes humides jetables, ben, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Je me sens beaucoup plus confortable. Ben, vous pouvez les avoir en gants, maintenant. En gants. Est-ce que tu te torcherais avec un gant serviette humide pour 17$ l'emballage? Je suis pas sûr. Tu sais, des fois, dans le temps, il y avait comme la main gauche qui était utilisée pour faire ses besoins, puis la main droite pour manger, pour écrire. Ben maintenant, vous pouvez en mettre une dans chaque main. Et ni vu ni connu. Ah, ça change tout! 17$ pour manger... Oui, faut que t'enlèves le gant avant de manger, par contre. C'est pas comme les gants quand on fait des bagels à la chasse-galerie. Faut pas se tromper non plus de gants. Les gants transparents, les gants pour le caca. Des choses différentes. Faites attention. Ouais, faites attention. maintenant, pour les fans d'Harry Potter... Est-ce que vous aimez tous Harry Potter? Les gens aiment Harry Potter, oui. Ben tiens, c'est un petit ensemble que vous pouvez commander par la poste de Harry Potter. Pour c'est inspiré en fait par l'école ou c'est quoi? C'est Poudlard en français, Hogwarts. Donc c'est une boîte en bois qui vient de tout plein de goodies, un livre de sorts, un billet pour la plateforme Muffet 3/4. Tout ça pour 105$ pour les fans de Harry Potter. Hey, ça arrête pas les bonnes idées, ça arrête pas. Continuons avec le Toasteroid. Au lieu d'avoir des stéroïdes, on a des tons de stéroïdes pour imprimer vos propres images sur votre pain. On a déjà vu plusieurs fois des trucs de Star Wars, entre autres, qui imprimaient, je sais pas, le casque de Darth Vader, ça imprimait, bon, peu importe, un vaisseau de Star Trek peut-être. Mais maintenant, vous pouvez imprimer vos propres photos, vos propres images, par exemple, un champignon de Mario, dans le cas de la photo qu'on voit sur assemblagerequis.com. Donc, c'est simple, c'est un grille-pain intelligent qui se connecte à votre téléphone intelligent via Bluetooth et c'est capable d'imprimer à peu près n'importe quoi en utilisant un système de réchauffement à microfilament à haute densité. C'est un peu comme une imprimante Dot Matrix dans le temps qui faisait ligne par ligne l'impression. C'est le même principe, sauf avec de la chaleur. Ça vous permet donc de créer votre image, de l'envoyer dans le grille-pain et ensuite ça va faire griller votre pain et... c'est tout ce qu'il y a à dire. Le contrôle est super précis. Il y a même une synchronisation optionnelle à un service de météo pour pouvoir imprimer votre météo sur votre pain. Tu sais, quand je disais tantôt qu'on suivait pas la météo, là, ça pourrait peut-être me dire « Bon, ben, prépare-toi pas pour le baseball, il n'y en aura pas à soir », tu sais, en faisant imprimer un petit compte de nuages avec des pluies. La pluie. 79$ pour ceux qui le commandent maintenant. Sinon, c'est 85$ pour ceux qui vont l'acheter lorsque ça sortira dans le commerce plus tard. Ensuite de ça, c'est un crayon, un peu comme la semaine passée, on avait parlé d'un crayon qui pouvait capturer la couleur spécifique de, mettons, une orange et qui permettait d'écrire avec ce orange spécifique-là plus tard. C'est un peu le même genre, mais le Kranzi Color Pen augmente ça à 16 millions de couleurs, comme votre écran d'ordinateur, et ça accomplit ça avec 4 cartouches d'encre colorées qui sont mixées précisément pour obtenir exactement la couleur que vous voulez en utilisant l'application dans votre téléphone cellulaire. Donc on peut pas capturer la couleur comme celui de la semaine passée. Non, attends un peu. Est-ce que c'est le même? Parce qu'il y a un scanner à l'arrière du crayon qui permet de scanner la couleur, exactement. C'est avec une batterie LiPo pour 7 heures consécutives de durée de pile et 5 embouts interchangeables avec différents diamètres. Il me semble que ce n'est pas le même que la semaine passée parce que je le reconnais pas physiquement. Donc 180$ sur Indiegogo, le Kranzi Color Pen. Ensuite, c'est une bouteille d'eau qui vous permet de jouer de la musique et de charger votre téléphone en même temps. Là, on commence à mélanger les choses qui ne devraient pas être mélangées ensemble. Donc, c'est une, ça s'appelle la Hydra Smart Bottle. Pourquoi est-ce que c'est intelligent? Ben, pour commencer, on va y aller avec le classique. Là, c'est une bouteille 100 BPA de 20 onces, disponible en 4 couleurs. Et c'est là que les ressemblances avec une bouteille d'eau normale se terminent. La Hydra Smart Bottle a une liste de caractéristiques comme une radio FM, un haut-parleur Bluetooth, un speakerphone, une batterie de, pour votre téléphone de 4000 mAh, une lanterne, un compartiment caché et encore plus. C'est aussi un appareil d'entraînement parce que ça pèse, ça c'est l'article qui dit, ça pèse 17 onces. Avant même d'ajouter votre liquide préféré. Donc une fois le liquide ajouté, c'est assez lourd pour vous faire des petits muscles. Si vous en voulez une, sur ThinkGeek, la Hydra Smart Bottle à 60$. Ensuite, on parle de sport, encore une fois, avec le ballon de football connecté Wilson X. Oui, Wilson X. Wilson, j'imagine, comme les ballons de soccer. Oui, donc ici, c'est un ballon de football américain. Donc, vous allez pouvoir accéder à vos statistiques de lancer pour vous vanter, bien sûr. C'est la vélocité du ballon aussi qui va être prise en compte. Le spin, la distance et l'efficacité de la spirale. Wow. Ça donne aussi une cote, ce qu'on appelle une WX rating, donc WX comme dans Wilson X, qui est calculée en faisant comme une formule mathématique de toutes ces statistiques-là que j'ai mentionnées tantôt. Vous pouvez l'assembler en Bluetooth avec votre téléphone pour vous donner toutes ces informations-là et plus encore. C'est équipé de 5 modes de jeu qui gardent des choses intéressantes pour ceux qui veulent jouer à différents jeux avec un ballon de football. Il n'y a pas juste le football en tant que tel. Ça peut durer jusqu'à 200 000 lancés par charge. Ça n'a presque jamais besoin de charge. Donc, wow. 200$ sur Amazon. Ça s'appelle Wilson X. Disponible aussi sur leur site web wilson.com. Parlant de ballons. C'est des ballons créés, le prochain gadget. T'sais, si tu veux écrire sur un ballon, prends pas un stylo. Parce que ça pourrait peut-être péter le ballon. Mais ici, vous ne pèterez pas votre ballon parce que c'est un crayon feutre blanc qui vient écrire sur les ballons noirs. Hein, pour ajouter un petit quelque chose de personnalisé à vos ballons, le kit, l'ensemble, inclut 20 ballons tout à fait noirs. C'est avec un crayon craie blanc qu'on peut utiliser pour écrire sur la surface pour 8,71$ pour l'ensemble. Ensuite, on va parler de télé avec une télé de Bang & Olufsen. C'est une compagnie qui est très bien critiquée, Bang & Olufsen. C'est une télé qui s'appelle la BioVision 14 TV. Les télés sont de plus en plus grandes, mais celle-là a choisi la place de s'améliorer en termes de qualité au lieu de grandeur. C'est un successeur spirituel ou même un remplacement à leur BioVision 11. La 14 a un cadrage d'aluminium avec un panneau 4K Ultra HD et un rétroéclairage par lumière LED. Un haut-parleur caché derrière des lamelles on dirait du bambou, c'est du oak, je me rappelle pas c'est quoi, quel arbre le oak. Mais bon. Donc ça fonctionne avec Android TV, Google Cast. Vous pouvez mettre à jour le logiciel de votre télé. Il y a un sensor pour ajouter l'image basée sur la lumière dans la pièce. Ça peut être placé sur un stand motorisé qui va reconnaître votre position assise et va automatiquement tourner la télé pour se retourner vers vous. C'est disponible en format 40 et 55 pouces. Ça dit que la télé devrait être un objet dans votre pièce et non pas le focus de votre pièce. Très très beau, donc la télé a un petit léger cadrage de tous les côtés. Je comprends pas pourquoi le cadrage en bas est plus large que le cadrage des trois autres côtés. Ça c'est mon toc qui aime pas même ça. Et en passant, oh que c'est du chêne, voilà, chêne. Allez voir les photos et allez voir le prix qui est de 5850$ et plus américain sur assemblagerequis.com. Ensuite, si votre chien a de la misère à faire la pause pour faire des selfies, hein, il vous faut le Pooch Selfie Smartphone Squeaker Ball que vous ajoutez à votre téléphone cellulaire. C'est une balle de tennis qui s'attache, dans le fond, c'est un case pour votre téléphone, mais qui a aussi une balle de tennis accrochée après. Non, en fait, ça s'accroche après votre case. C'est ça. Excusez-moi. Il n'y a pas le case. Ouais. Et la balle de tennis va attirer le regard de votre chien, évidemment, et vous allez pouvoir prendre un meilleur selfie. Simple de même. Allez voir les photos aussi sur assemblagerequis.com. C'est vraiment comme une pince qui vient se clipser au-dessus de votre téléphone avec deux pinces, deux lamelles en avant et une lamelle en arrière. Vous pouvez même le mettre sur votre téléphone sans étui du tout. Vous avez sûrement eu ce problème-là. C'est un problème que tout le monde a dans la douche. J'ai parlé de choses beaucoup trop intimes tantôt en parlant de la mitaine pour se frotter les fesses. Donc, continuons ces détails-là avec vos retailles de savon. Elle se ramasse dans le fond de votre bain des fois, elle se ramasse sur le bord en dessous de vos autres savons et vous savez pas quoi faire avec. Ben, mettez-les ensemble dans le Soap Mesh Bag. C'est quand même simple, hein? C'est pour les gens qui aiment ça, utiliser les choses jusqu'à la dernière goutte. Hein? Une fois que la barre est rendue trop petite pour l'utiliser, vous la mettez dans le Soap Bag et après 3 ou 4 petites barres à l'intérieur, le sac va commencer à être une bonne source de savon. Parce que c'est comme c'est fait en le même matériau que les moussettes là, pour prendre sa douche. Donc on peut en avoir 3 pour 9$ et les donner à quelqu'un ou encore une pour 6$. Ça s'appelle donc le Soap Mesh Bag par Purify Me. Très bonne idée. C'est le Mesh Soap Pouch, le vrai nom. Voilà. Ensuite, C'est une bague qui vous permet de ressentir le battement de cœur de votre être cher. Être dans une relation à longue distance, ça peut être difficile, hein? Que votre être cher soit à 1 heure ou à 4 heures et quart de distance, c'est toujours aussi difficile. Donc les HB Rings qui se met en paire avec votre téléphone cellulaire et qui met en vedette un sensor de battement de cœur. L'information est partagée par Internet et reproduite dans la bague de l'autre par des petites pulsations. Donc l'autre personne va pouvoir ressentir le battement de cœur peu importe où vous êtes dans le monde. C'est pas pareil comme un vrai battement de cœur, mais c'est ce qu'on peut faire de plus proche. C'est dit que chaque anneau est fait avec du saphir et ça la rend résistante aux égratignures. C'est à l'épreuve de l'eau et la pile peut durer jusqu'à 160 heures en stand-by ou encore 14 heures lorsqu'elle est active. Un produit quand même cool. Que vous soyez en relation à longue distance, que vous soyez clair, tout ça. 100%. Mais bon. 600$ pour la version Stainless Steel, 2990$ pour l'édition Rose Gold, donc l'or rosé ou le rose doré, 18 carats. Ça devrait sortir en décembre 2017. Ensuite, ce jardin intérieur, le Grobo Smart Indoor Garden. C'est un système pour faire pousser vos plantes à l'intérieur. C'est aussi simple que de juste planter des graines. Et à l'occasion, vous allez devoir remplir le réservoir d'eau. Des filtres de carbone vont purifier les odeurs de vos plantes. Et une vitre fluide. OK, peut passer du transparent à l'opaque. Tout en bloquant la lumière et en leur donnant de la noirceur quand ils en ont besoin pour pousser de façon optimale. Le Grobo s'occupe d'envoyer de l'eau, ça s'occupe de la température, de l'humidité et ça fournit juste assez de lumière, dépendant de l'espèce de plante ou de fleur à l'intérieur. Connexion Wi-Fi pour vous tenir au courant sur votre téléphone. Évidemment, 900$ américains pour le Grobo sur grobo.io. Ensuite, parlant de mots avec des syllabes bizarres après le griot, c'est le gecko qui est un sifflet intelligent avec une capacité GPS à l'intérieur. Donc le Gecko Smart Whistle, un appareil de sécurité personnelle qui envoie à des contacts prédéfinis un message SMS, un courriel ou un appel téléphonique avec l'endroit où vous êtes situé quand vous appuyez sur le bouton ou encore que vous soufflez dedans pendant plus de 2 secondes. Vous pouvez aussi envoyer un enregistrement audio si vous n'êtes pas capable de parler. Donc j'imagine des... après avoir désactivé l'alerte, vos contacts, on dirait que c'est plusieurs contacts, vont pouvoir recevoir un autre message les informant que tout va bien. Le sifflet, un crochet pour l'attacher à votre porte-clé ou à un sac en utilisant une laisse étirable. Le Gecko Smart Whistle se met évidemment en paire avec votre smartphone via Bluetooth pour offrir la localisation continue via le web ou via l'application WISO, donc W-I-S-O. L'appareil de sécurité personnelle n'a pas besoin de service d'abonnement par mois. C'est seulement disponible en bleu ou en vert et c'est disponible pour 50$ sur mygeckogear.com, Gecko G-E-K-O ou encore sur Amazon. C'est pas super beau, ça ressemble à un petit cadenas. Mais le cadenas en tant que tel est beau, mais le rouge et le bleu qu'ils ont choisi. Le rouge et le bleu du cadenas. En fait, attends un peu, je vais aller voir le bleu du cadenas. On le voit-tu à quelque part? Parce que je crois que j'aime bien le bleu. Est-ce qu'on l'a? Ah oui, c'est mon bleu préféré. Je l'aime bien. Donc, mygeckogear.com. Ensuite, on reste dans le domaine des GPS avec un GPS sans écran pour les enfants. Tiens, les enfants qui n'ont pas besoin de iPhone nécessairement. Donc, c'est un tracker et un téléphone avec GPS qui fournit aux enfants une façon sécuritaire de communiquer avec leurs parents. L'appareil compact vous permet de parler d'un côté à l'autre. Et il y a aussi un GPS pour pouvoir toujours savoir où sont vos enfants. Ça coûte 119$ américains. Ça s'appelle le Snowfox. S-N-O-W-F-O-X. C'est quand même beau, ça aussi. Pas tellement enfantin en tant que tel, je trouve que c'est juste un beau petit morceau plastique avec un gros bouton dessus pour parler, j'imagine, comme un CD. Et il y a un porte-clé pour le mettre, évidemment, après un collier ou dans une poche, ou peu importe, de votre enfant. Ensuite, ça c'est vraiment cool, c'est pour les amateurs de Mario, comme je le suis, vous le savez très bien. C'est des tasses qui changent de tableau de Mario, dépendant de la température dans votre tasse. Hein? Donc ça coûte seulement 10$, la Super Mario Heat Changing Mug. C'est une tasse blanche, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Dessus est dessiné donc un tableau de Mario, un tableau genre classique comme le niveau 1. Et quand vous, quand il y a de la chaleur dedans, ça devient le tableau de nuit. C'est cool, hein? Vraiment le fun. Ensuite... c'est un toaster oven, les fours grippés comme on l'appelle, mais qui fonctionne à vapeur, Balmuda Steam Oven Toaster. Donc c'est, entre autres, il y a une slot en dessous d'un panneau en dessous qui vous permet de verser une cuillerée à thé d'eau en utilisant un mini verre qui est fourni avec. Et ensuite, ça va faire de la buée, de la vapeur, et ça va ajouter de l'humidité dans votre pain. Alors que la température augmente, ça va produire un pain qui va goûter plus frais, ça va être plus moelleux à l'intérieur. vraiment cool. Et non seulement ça, il y a plusieurs modes pour faire des rôtis au fromage, pour faire cuire une baguette et faire cuire des croissants avec de l'humidité. Apparemment que c'est vraiment meilleur. Un design minimaliste, mais très très cher pour 415$ américains. Ouch, sur le site de Balmuda, c'est un site japonais. Ensuite, pour ceux qui ont besoin de plus en plus de caféine, c'est de la caféine qu'on peut inhaler. Un peu comme on inhalerait de la vapeur dans le précédent produit. Bon, pour booster votre énergie à n'importe quand, n'importe où, pour consommer un petit shooter de caféine dans votre bouche en l'inhalant, vous avez juste à enlever le capuchon, à la placer sur votre sur vos lèvres, oui, et gentiment, doucement inhaler pour recevoir un mélange unique de 100 mg de caféine et de vitamine B pour vous garder vraiment le plus primé possible. 18$ américains sur assemblagerequis.com. Crime, il y a beaucoup de choses avec des fans aussi aujourd'hui. Pour rester au froid, alors que Mère Nature essaie de vous suffoquer, il fait tellement chaud et humide aujourd'hui, ça n'a même pas de maudit bon sens pour ceux qui écoutent le mardi. Donc, c'est une fan qui va sur le dessus d'un seau. Donc, vous avez un seau avec de l'eau à l'intérieur et le ventilateur va s'accrocher au-dessus du seau et va vous envoyer de l'eau. C'est quand même cool, hein? Donc, batterie 18 volts, lithium-ion, ça peut être opéré avec soit une hausse de jardin ou encore un seau rempli d'eau pour 79,97$. Une pas pire idée si vous êtes du genre à pas avoir d'air climatisé chez vous. On continue avec des Clever Kebab Maker. C'est pour faire vos propres kebabs, mais de la façon la plus efficace possible. On sait que sur un barbecue, des kebabs, c'est toujours très très bon. Hein? Kebab, peu importe comment vous appelez ça. Donc, le Clever Kebab Maker est une façon donc de... Dans le fond, ce que vous faites, c'est que vous mettez votre viande dans un compartiment, ce genre de plat, très haut quand même, ce genre de prisme, OK? Et vous mettez votre viande là-dedans, vraiment compressée, ou peu importe, et vous glissez les bâtons de métal ou d'acier dans les trous. C'est un peu comme le jeu Kerplunk, OK? Donc, sauf que le but, à la place de pas faire tomber les billes, c'est de pas faire tomber la viande. Hein? Donc, vous mettez les bâtons dedans, et quand vous allez ressortir le tout, les kebabs vont être faits. Vous n'aurez pas à mettre un par un les morceaux. Vous pouvez faire vraiment les couches que vous voulez, donc vraiment viande, légumes, champignons, je sais pas, qu'est-ce que vous mettez, des piments. Peu importe. Ça va faire, quand vous allez après ça, vous allez pouvoir insérer votre couteau dans les fentes et ça va faire des cubes. Donc vous n'allez pas à faire les cubes à l'avance. Vous allez faire 16 kebabs en même temps. Et l'appareil fonctionne avec des gâteaux, des fruits ou n'importe quoi que vous voulez mettre sur des bâtons pour faire des fondus par exemple. Et tout ça coûte seulement 35$. C'est super intelligent. Donc ça s'appelle le Clever Kebab Maker. On a parlé il y a quelques semaines, peu importe à quelle émission, peu importe dans quelle chronique, du case pour iPhone qui vous faisait tirer la Pokéball parfaite à Pokémon Go. Donc, vous avez déjà entendu parler de ça. On parle d'autre chose. C'est un Pokédex, un cover qui ressemble au Pokédex dans Pokémon, mais qui est aussi une batterie additionnelle pour votre iPhone. Hein? Donc, c'est l'utilisateur de Sparkfun, Nick Poole, qui a reconnu le poids de l'application sur la batterie de son téléphone avec le GPS toujours allumé. Donc, en utilisant une technologie d'impression 3D pour la développer, un étui de téléphone modelé d'après le Pokédex de Pokémon en rouge avec des lumières rouges, jaunes et vertes, lumières LED. C'est donc absolument essentiel pour les amateurs de Pokémon Go. Et comme n'importe quel autre étui, c'est pas fait seulement pour Pokémon Go, on peut l'utiliser pour d'autres occasions. Et l'étui charge votre téléphone en ajoutant 2600 ampères à votre batterie. C'est à peu près ça, là. Il y a plein d'autres détails, mais je vois rien d'intéressant. Sauf le fait que vous pouvez télécharger les instructions pour votre imprimante 3D sur GitHub. Donc vraiment, vous pouvez, si vous avez une imprimante 3D, avoir votre propre Pokédex cover pour Pokémon Go. Toujours très très geek, toujours très jeux vidéo, c'est des tuiles Lego qui vont sur votre mur pour faire de votre mur ou n'importe quel bureau ou chambre pour le rendre compatible avec des Lego en quelques secondes. C'est des tuiles pour le mur de 10 par 10 pouces qui viennent avec un adhésif réutilisable. Donc vous pouvez coller ces plaques-là sur le mur et après ça prendre des vrais blocs Lego et peut-être faire votre propre rack à téléphone. Ici on fait un rack à lunettes, un rack pour tenir une manette de Nintendo Wii U. Donc tout ça pour 20$ l'ensemble. Sur assemblagerequis.com. Il nous en reste deux, on a presque terminé, presque dans les temps en plus. Des gros gummy bears sur bâton. Ça, on a déjà parlé dans l'émission de gros gummy bears ou de gummy bears avec d'autres formes que des. Des gummies avec d'autres formes que des ours. Ici, c'est des gros gummies en ourson, mais sur des bâtons comme un suçon. Hein? Donc, c'est équivalent à 137 gummies. Hey, pour vrai, je m'en venais à job ce matin, cet après-midi, moi, le temps passé. En m'en venant à l'université, j'ai vu, il y avait plein de petits gummy bears par terre. C'était comme s'il avait fait une piste pour que j'aille suivre ça, puis que j'aille être piégé par un violeur. C'est quoi l'affaire? Des gummies à faire, ça se fait pas. Et de toute façon, c'est du gaspillage. Hein? Donc, c'est équivalent à 137 gommis normaux, 225 grammes pour le poids, et ça vient en plusieurs saveurs fruitées, donc soit cerise, orange, rose, qui n'est pas une saveur, et gomme ballon. 12,91$ pour combien? Large gummy bear on a stick. Je pense que c'est juste pour un. Oui! Oui! Juste pour un, ça n'a aucun sens. Et c'est apparemment super sucré. Simplement 4 saveurs. Oui, c'est pink bubblegum, orange, cerise et framboise bleue. Voilà. Pour 10 livres chaque. Et finalement, le Avegant Glyph, qui ressemble à une paire d'écouteurs, comme les écouteurs avec le cerceau sur le dessus de la tête. Sauf qu'à la place de l'avoir sur le dessus de la tête, c'est un ensemble de réalité virtuelle où tu dois mettre le cerceau devant tes yeux. Portable, léger, un cinéma maison pour vous-même. C'est comme regarder une télé de 60 pouces devant vous. Et ça se connecte à votre téléphone intelligent, à une tablette ou à une console de jeu pour pouvoir jouer à des jeux vidéo ou regarder des films. Il n'y a pas d'écran à l'intérieur. À la place, c'est que ça va répliquer, copier la vue humaine en utilisant plus de 2 millions de micro-miroirs pour refléter la lumière qui montre les images à la place de pixels individuels. Donc, vous n'aurez même pas besoin de porter vos lunettes avec le Glyph. Il va pouvoir s'ajuster de plus 1 à moins 7 pour accommoder votre vue par prescription. Waouh! Et la distance de votre pupille, ça peut pas ajuster pour ceux qui sont astigmatiques. Par contre, quand vous avez terminé de regarder votre film ou jouer à vos jeux vidéo, vous pouvez flipper un des visors et écouter de la musique via le Glyph comme une paire d'écouteurs traditionnels. Donc, c'est pas vraiment de la réalité virtuelle. C'est comme une façon de regarder des vidéos de loin, mais qui a l'air plus proche. Étrange, hein? Et vous pouvez brancher un fil audio dans les écouteurs pour aller vers votre téléphone. Wow. Donc, le Avegant Glyph coûte 700$ sur Amazon, américain bien sûr. Et vous pouvez en savoir plus sur avegant.com, A-V-E-G-A-N-T.com. C'est beau, mais wow, c'est étrange. J'ai de la misère à comprendre comment le principe fonctionne. Donc, encore une fois, assemblagerequis.com pour les liens. C'est tout pour ça existe, mais ça ne devrait pas là. On retourne en musique. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre? Une autre pièce du palmarès, parce que c'est ça qu'on aime entendre. On s'en va écouter une pièce de... une qu'on a moins entendue depuis quelques temps. Est-ce qu'on a moins entendu? Je suis pas sûr. On dirait que je les ai toutes déjà écoutées récemment. Je vais là avec, tiens, Andy Schauf. Voici The Magician à Assemblage Rookie sur C'est Fou 89. fait la pièce The Magician à Assemblage Requis. On prend une pause et au retour, c'est la dernière heure de l'émission. On n'a rien à manger cette semaine, mais on va parler de fast-food ensemble à Assemblage Requis. Restez avec nous. Assemblage Requis. Je crois qu'aujourd'hui. Assemblage Requis. Vous êtes assez pour l'écouter. Pour l'écouter. 89. Assemblage de qui? Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage de qui? C'est Assemblage Requis pour la semaine du 15 août 2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Tania Baudin va être de retour la semaine prochaine. Elle a congé aujourd'hui. Dans quelques instants, on va faire une grosse pointe à l'adresse. Une version avec seulement des nouvelles de fast-food parce que j'ai pas envie de manger quelque chose seul si ça vous dérange pas trop. Donc, on va faire ça pour le reste de l'émission. Mais avant ça, on s'en va entendre une pièce du palmarès anglophone pour faire changement. Il me semble que j'ai beaucoup joué de franco aujourd'hui. On s'en va donc entendre une pièce de Dirhouf en numéro 5. C'est The Devil and His Anarchic Surrealist Retinue. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai aucune idée. On va savoir s'il nous l'explique dans la chanson. Assemblage, ok? Qu'elle parle à son chat tout le long. Dirhouf avec The Devil and His Anarchic Surrealist Retinue, que je ne comprends pas ce que ça veut dire. Dirhouf, assemblage requis. Je me suis toujours demandé. Anarchic. Anarchy. Bref. Je pense dans ma tête à voix haute. Là. C'est le moment, tiens, de terminer presque l'émission à 45 minutes de la fin. C'est comme ça, on veut se gâter à la fin. Oui, 45 minutes, ça a l'air long, mais ça passe vite, vite, vite, vite, vite, vite. Quand on mange ou encore quand on parle fast-food, voici une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse, c'est la colline dans laquelle on mange habituellement un produit du tiroir, oui, soit acheté en épicerie, en dépanneur ou peu importe. Mais aujourd'hui, comme je suis seul à l'émission, on va seulement faire des nouvelles de fast-food. On mangera ou goûtera quelque chose la semaine prochaine. J'ai déjà un petit plan sur ce que je veux goûter la prochaine fois. Je garde ça pour moi, mais ça risque d'être cool pas mal, surtout que l'été termine bientôt. En tout cas, on sait pas encore la date que l'été va terminer, on sait pas encore quand est-ce qu'on retourne au matin. Si on retourne au matin, bientôt, je sais pas, aucune idée. Mais pour l'instant, on est le mardi après-midi et on mange des ou on boit des choses estivales, voilà. Commençons par une nouvelle que vous allez peut-être reconnaître parce qu'on l'a comme abordé dans une chronique la semaine passée où je l'avais mis au mauvais endroit. C'est Burger King, les employés du Burger King qui brisent les fenêtres du restaurant à cause d'un appel qui était un prank call, une farce et attrape au téléphone. What? Donc les clients du Burger King de San Luis Obispo en Californie se posaient sûrement des questions quand ils sont arrivés pour voir qu'il y avait une douzaine de fenêtres du Burger King qui avaient été éclatées ou brisées pendant la nuit. C'était pas du vandalisme, non, ça a été fait par exprès par les employés du Burger King après avoir reçu un appel qui finalement était une blague. La police de Morro Bay dit que quelqu'un a appelé un Burger King tard le samedi soir, disant être un représentant du département des pompiers, disant qu'il y avait une urgence par rapport à une fuite de gaz. L'appel disait donc que les vitres du restaurant devaient être brisées pour faire de la ventilation et apparemment les employés ont juste tout suivi ça à la lettre. J'avoue que si un pompier, département de pompiers ou quelqu'un qui se dit du département des pompiers me dit de faire ça, probablement que je le ferais et je pense que vous aussi. Lorsque la police et les pompiers sont arrivés, après évidemment qu'on ait appelé par rapport à cette fuite de gaz-là, ils ont trouvé de la vitre partout, mais pas de fuite de gaz, et la police enquête sur l'appel. On dit que les pompiers vont probablement pas appeler directement une entreprise pour les avertir. Ils disent que si vous recevez un appel du service public qui a l'air étrange, appelez le 911 pour confirmer que ce qu'ils disent est vrai. Et c'est pas la première fois que ça arrive, c'est arrivé à d'autres endroits aussi. Mais pour vrai, c'est le genre d'appel que je ferais pas... attends un peu, laisse-moi vérifier. Il y a du gaz dans la place. Un, ça pourrait exploser. Deux, je pourrais mourir. C'est sûr que j'ai éclaté les fenêtres. C'est sûr que... C'est sûr. Peut-être que je suis naïf de même, mais c'est de même. Maintenant, parlons d'un homme qui a une phobie des citrons, qui l'a mené à tuer. Donc, comme la phrase classique le dit, quand la vie te donne des citrons, peut-être ne pas tuer quelqu'un. Peut-être pas. Donc, c'est un incident surréel qui a été rapporté par Vice. Tragique et bizarre. Donc, des gens qui ont des phobies spéciales. On parle ici d'une victime qui s'appelle Ramazan Kavakalan. C'est donc un travailleur forestier de 42 ans et un père, oui, qui était au courant de la phobie de ses collègues de travail, mais qui a décidé de l'agacer un petit peu. Tu sais, les gens qui comprennent pas les phobies, qui pensent que tu peux juste niaiser la personne par rapport à ça. Là. Donc, le camionneur avait peur des citrons. On l'appelle M.O., c'est ses initiales. Il a pas vu le côté très, très drôle de ça quand il s'est fait approcher par l'objet citron et il est devenu un petit peu fou. Il a couru jusque dans son camion, il est allé chercher son arme et il a tiré Kavakalan à son bureau et 4 heures plus tard, la victime est morte. Donc, il n'est pas mort aussitôt qu'il a tiré dessus, mais quand même. Les phobies peuvent être de différents degrés, hein, dépendant de la personne. Il y en a qui aiment simplement pas ça, qui aiment juste pas être trop proche de quelque chose. Et d'autres qui ont des vraies attaques de panique, des attaques d'angoisse. C'est quelque chose qu'on peut pas vraiment contrôler quand ça se passe dans le cerveau. Faites attention aux autres, s'il vous plaît. Ensuite, déprimant tout ça. Wow, de la limonade au café. Ou café à limonade, ça en vient très bientôt. Mm-hmm. C'est la prochaine mode après les affaires arc-en-ciel. Limonade au café, oui. C'est du café avec un petit boost de citron à l'intérieur, selon Eater. Et apparemment que c'est vraiment très, très bon. Au Stand, donc un café pop-up basé à New York City. Ça s'appelle Almond Palmer. Il y a aussi au Super Crown Coffee Roasters à Brooklyn qui s'appelle Laura Palmer. Ça, c'est le nom du drink en passant, je m'excuse. Alors que l'autre café de Brooklyn l'appelle le Thunderbolt. Dans une chaîne de café suédois, on l'appelle le Café Limonade. Café Limonade, on se comprend. Donc, le café qui est naturellement assez acide. Donc, ajouter un petit peu de citron, de sirop de citron fort ou encore verser de la limonade par-dessus votre café froid va ajouter à l'effet. Donc, on dit que le jus de citron acide va faire sortir des saveurs fruitées du café tout en équilibrant les notes noisettes de noisettes. Je comprends pas trop, là, je suis vraiment pas un grand connaisseur de trucs aussi intenses que ça côté café. Si vous ne vivez pas près d'une place qui fait du café au citron, vous pouvez en faire vous-même. On dit que le Almond Palmer du stand, c'est 8 onces de café à effusion froide avec une cuillerée à table de sirop de citron et un shooter de lait d'amande. Voilà, c'est la recette. Ça a l'air bon, j'en veux un ce soir. Peut-être que je pourrais demander à la chasse-galerie si on peut mettre du citron dans mon café. Bonne idée, ça. Un tatou temporaire qui pourrait révéler votre niveau d'alcool dans le sang. Vous pourriez bientôt vérifier votre propre niveau d'alcool dans le sang juste en regardant votre téléphone. Les ingénieurs de la University of California San Diego ont fait donc un tatou temporaire, un sensor qui se colle sur la peau et qui mesure le niveau d'alcool dans le sang. En fait, non pas dans le sang, dans la sueur, je m'excuse, selon Bradley. L'étude publiée par ACS Sensors est seulement une preuve de concept. Ça a été testé sur 9 buveurs dans un laboratoire. Ils ont bu 12 onces de bière ou 5 onces de vin en portant le sensor sur leur bras. Ils ont attendu 10 minutes pour que l'alcool passe dans leur sang. Le sensor a réussi à détecter si la personne volontaire avait de l'alcool dans son système ou non. C'est aussi équipé d'un sensor Bluetooth qui est fait pour montrer le niveau d'alcool dans le sang dans l'application. Et ça aide aux buveurs à connaître leur niveau en temps réel. Donc, en mesurant le niveau d'alcool dans le sang et en rendant disponibles les données par l'application, les tatous pourraient aider les gens à vérifier que oui, ils sont trop sous pour conduire. On sait que les gens sous n'ont pas le meilleur jugement, nous dit mentalfloss.com. Chaque corps est différent, donc ça peut être difficile de savoir comment t'es intoxiqué si t'as pas le niveau d'alcool dans le sang ou dans ce cas-ci dans la sueur. Voilà. On dit que les chercheurs nous apprennent que chez les volontaires, boire la même quantité d'alcool ne va pas donner le même niveau d'alcool dans le sang chez différentes personnes. Voilà. Ensuite, à Singapour, un vendeur de nourriture dans la rue, donc un street food vendor, a reçu une étoile Michelin. Étoile Michelin, c'est évidemment un prix super réputé. Rien ne bat l'attention que restaurant va avoir après avoir reçu une étoile Michelin. La même compagnie responsable pour les... Oui, c'est ça, oui, c'est vrai. La même compagnie responsable pour les pneus, je savais pas ça, a commencé à critiquer des restaurants en 1926 et à sortir un guide pour les villes sélectionnées, donc des restaurants assez fancy. Le guide est pas tellement élitiste, par contre, cette semaine, le mot a circulé disant que le chef Chan Hon Mang avait reçu une étoile. C'est un vendeur de nourriture de rue dans le complexe Chinatown à Singapour. C'est dans un petit cubicule à l'intérieur d'un food court, donc une foire alimentaire. Mang sert ses repas les plus délicieux et des nouilles, des trucs comme ça. Son plat le plus connu, c'est du poulet avec une sauce soya style Hong Kong. Ça coûte seulement 1,50$ par assiette. C'est le restaurant à étoile Michelin le moins cher au monde. Le chef qui travaille pendant tout un quart de 17 heures de long a été invité à un dîner Michelin le mois dernier, mais il n'y avait aucune idée qu'il recevrait une étoile. Les restaurants peuvent en recevoir jusqu'à 3. Donc, il en a reçu une, mais quand même, hein, c'est pas mal mieux que rien. Et puis la notoriété a augmenté son chiffre d'affaires de 30 poulets de plus par jour. Il en vendait 150, donc ça monte à 180. Si vous voulez échantillonner le repas, mais que vous voulez... oui, ça dit que c'est entouré de gens. Habituellement, il faut attendre plusieurs heures pour même goûter une démonstration de ce restaurant. Ensuite, Taco Bell Fried Chicken Shell va être lancé partout dans le pays. On en a parlé il y a quelques semaines de ça. Taco Bell, restaurant semi-wannabe mexicain. Donc, comme le Eater nous dit, Taco Bell prépare à lancer le Naked Crispy Chicken Shell Chalupa partout au pays après l'avoir testé en Californie et au Kansas. C'est là qu'on en avait parlé. Donc, ce que c'est du poulet frit qui est mis dans un genre de rack spécial. Un peu comme, je sais pas, un rack à bacon, mais un rack à tacos dans ce cas-ci et un rack pour placer le poulet en forme de taco. Donc ça lui donne une forme courbée et on rajoute donc ça, le poulet joue le rôle du taco et on ajoute du fromage effiloché, de la laitue, des tomates en dés et une sauce ranch à l'avocat. Pas aussi lourd que le PFK Double Down, coup double, donc un petit peu plus léger dans la bouche. Bacon, fromage et sauce du colonel entre deux filets de poulet comme on sait chez PFK. Le chalupa est... le même genre de niveau pas très bon pour la santé. Et puis, c'est ça. Attends un peu, qu'est-ce que ça dit? Les clients pensent le contraire. Ça dit que les clients disent « Ah, c'est tellement bon pour la santé, c'est tellement frais », nous dit le gérant du marketing chez Taco Bell. Ça les a surpris parce que ça reste du poulet frit. Mais bon, j'imagine qu'ils vont pouvoir s'en servir dans leur campagne publicitaire en disant « C'est tellement frais! Wow! » Ah, ça a l'air vraiment bon pour vrai. Le poulet a l'air tout mince, tout croustillant, tout j'imagine plein de gras. Miam. Nickel Crispy Chicken Chalupa chez Taco Bell. Il y en a au Québec si vous voulez vous renseigner. Alors c'est un petit engin pour trouver un restaurant Taco Bell à Montréal. Ensuite, une start-up qui a acheté ses propres produits dans une campagne undercover. Hampton Creek Recruits a demandé à ses employés d'acheter des centaines de pots de mayonnaise Just Mayo. Ça s'est passé à la fin de 2014. L'entrepreneur Josh Tetrick a persuadé ses investisseurs de payer 90 millions de dollars pour sa start-up alimentaire végétalienne Hampton Creek. Monsieur Tetrick avait impressionné une firme de venture capitalistes de Silicon Valley, donc ceux qui investissent de l'argent dans des compagnies. Il a réussi à vendre ses produits Just Mayo chez Walmart, Kroger, Safeway et plein d'autres supermarchés américains en environ seulement 3 ans après le début de sa compagnie. Mais ce que M. Tetrick là et son équipe ont négligé de mentionner, c'est que la start-up a fait une grosse opération à grande échelle pour racheter sa propre mayonnaise. Donc ça donnait l'impression que le produit était un peu plus populaire qu'il était vraiment. Au moins 8 mois avant d'avoir réussi à avoir tout cet argent-là, Hampton Creek a lancé subtilement une petite campagne pour acheter de grandes quantités de Just Mayo dans les magasins, selon 5 anciens employés et plus de 250 reçus, rapports de dépenses et avances d'argent et les courriels qui ont été vus par Bloomberg. En plus d'acheter des centaines de pots de ses propres mayonnaises, les contracteurs devaient appeler en magasin en faisant semblant d'être des clients et en demandant « Est-ce que vous avez la mayonnaise Just Mayo végétalienne? » Donc une grande demande pour le produit a fait évidemment que les magasins ont plus stocké de mayonnaise. Et là, évidemment, la compagnie devait racheter encore plus de mayonnaise. C'est un genre de cercle vicieux. Allez voir le reste des détails sur assemblagerequis.com, mais d'après moi, ça ne durera pas longtemps cette affaire-là, Just Mayo. L'article est super, super long, plein de détails. C'est par Bloomberg News. Vous avez peut-être vu, évidemment, on ne le verra pas dans les restaurants en tant que tel au Québec, il y avait un bon bout de temps, j'imagine. Je ne suis pas allé, je dois l'avouer, physiquement dans un Subway depuis peut-être 2 mois. Mais Subway a un nouveau logo. Je me rappelle quand il y avait eu un nouveau logo aux États-Unis, on n'avait pas vraiment vu le logo. Il y avait un bon bout de temps au Québec dans les enseignes. On le voyait des fois sur les napperons, sur les tableaux, mais les logos à l'extérieur prenaient vraiment beaucoup de temps. Un peu comme Walmart a changé de logo, v'là quoi? Genre 6-7 ans, genre? Puis on vient de le changer en faisant la rénovation du nouveau, entre guillemets, Walmart de Trois-Rivières-Ouest. Bref. Logo qui s'accompagne d'un nouveau symbole conçu pour faciliter son intégration dans le monde numérique. On parle d'un genre de petit S avec des flèches qui va servir de logo sur les applications. Donc, cette modification se veut la plus récente étape de l'évolution de la marque après celle apportée au menu et le lancement de Subway Digital cette année. Il s'agit d'un premier changement depuis plus d'une décennie, nous dit InfoPresse. C'est la 6e fois depuis la création de la marque il y a 50 ans que Subway modifie son logo. Il provient d'un travail effectué à l'interne de pair avec des partenaires de conception. Le nouveau logo est décrit par l'entreprise comme présentant l'essence de la marque avec un look actuel et contemporain. Les couleurs principales ont été optimisées pour toutes les plateformes. Quant au symbole, il s'agit d'un nouvel actif pour la marque, distillant les flèches légendaires en une marque simple et puissante. Le nouveau logo et les symboles et les éléments d'actifs visuels additionnels seront déployés dans toutes les succursales et dans les communications et expériences numériques de la marque à l'échelle mondiale au début de 2017. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le logo de Subway. Je le trouve très beau. Par contre, les flèches, je ne sais pas si toutes seules, elles ont l'air du logo de Subway. Pas sûr, on dirait plus un logo d'une compagnie de van ou quelque chose comme ça. Mais peut-être qu'avec le temps, on va commencer à l'apprivoiser un petit peu. Donc Subway, mais je l'aime bien, le logo. Ensuite, un petit Spotted. Il y a de la salsa au Sriracha qui est disponible, de la même marque que la Sriracha que vous connaissez, Twang Hot Sriracha, avec le petit coq dessus. Mais c'est pas de ça que je voulais vous parler. Je voulais vous parler, je crois, de d'autres choses. Attends un peu. Qu'est-ce que c'était? Voyons. Attends un peu. Il y a trop de produits dans ces affaires-là. Ça n'a pas de sens. C'est pas ça. Est-ce que c'est le macaroni au fromage? Non, je pense pas. Mais c'était peut-être la salsa au Sriracha que je voulais vous dire. Bon. Je pense que oui. Bref. Continuons avec un autre Spotted. C'est de retour sur les tablettes aux États-Unis en édition limitée. C'est les Captain Crunch Touchdown Crunch avec des formes de céréales Captain Crunch en ballon de football. Selon Mr. Breakfast, cette céréale-là existe depuis 2009 et ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sur les tablettes. Les ingrédients n'ont pas changé. C'est toujours avec des ballons de football bleu et vert. Mais la boîte a changé, pardon, d'apparence. Voilà. Ensuite, McDonald's amène un habit, un tracksuit, tu sais, les genres d'habits pour courir là, pour les Olympiques de la part de McDonald's. Donc, inspiré par les Olympiques de Rio, dont ils sont commanditaires. Et d'ailleurs, aux États-Unis, sur NBC, c'est eux qui présentent le tableau des performances, le tableau des médailles présenté par McDonald's. Donc, McDonald's, je me crois vraiment au baseball, les aigles, où tout est commandité. Ça n'a aucun sens. Chaque chronique devrait avoir une commandite dessus. C'est le fun. Donc, McDonald's a sorti une ligne de vêtements pour le gym qui suggère un peu de fast-food, de fitness et de mode. Ils peuvent vivre en harmonie. L'édition limitée du tracksuit nommée le Legends Wear est une veste à zip de polyester et des pantalons track pants avec des McMuffins dessinés dessus, des crêpes et des superbes patates McDonald's. Vraiment magnifique. C'est seulement disponible en Australie et apparemment que c'est déjà tout vendu. L'argent va à la charité Ronald McDonald's House. On peut voir la vidéo promotionnelle sur assemblagerequis.com. C'est tout ce qui est le plus cheesy, mais pourquoi ne pas encourager une belle cause importante du fast-food? Un père change des rôtis en superbe chef-d'œuvre de l'architecture. Hein? Les deux filles de Adam Perry souffrent d'allergies alimentaires et doivent subsister sur une diète très restreinte qui peut être un petit peu répétitive. Redondante, toujours la même chose. Pour réussir à améliorer l'expérience, Adam utilise les rôtis matinales. Les rôtis matinales. Pour créer une série de sculptures impressionnantes à l'aide d'une batterie à un pont à suspension. Perry a dit à ABC News qu'il voulait exciter ses filles par rapport au déjeuner et les faire rire lorsqu'elles mangent. C'est tellement mignon, je trouve ça vraiment le fun comme idée. L'expérience est aussi vue comme une façon d'augmenter ses suiveurs sur les réseaux sociaux. On en parle justement en ce moment, donc ça s'appelle Two Slices of Toast avec le chiffre 2, donc Two Slices of Toast, c'est sur Instagram, vous allez aller voir ça, je vous encourage. Il y a Monstre du Loch Ness, la Tour de Pise, des affaires comme ça, c'est cool. On dirait qu'il ne sert pas juste de toast, on dirait qu'il se sert de petites pâtisseries pour faire les cabines téléphoniques de Londres super classiques. On dirait qu'il a pris un feuilleté aux pommes, ça a l'air génial, j'ai faim. Je veux tellement un petit feuilleté au bleuet, tu sais, d'un fast-food quelconque. Maintenant, rencontrer un fermier qui fait pousser des légumes de 100 livres. Philip Vowels, comme des voyelles. Philip Vowels, mais avec le L et le E inversé, fait pousser des légumes gigantesques depuis 3 décennies. De nos jours, son plus gros chou et son plus gros zucchini pèsent chacun plus de 100 livres. Vowels vit avec sa femme à Wales. Wow, Wales et Vowels, ça se ressemble pas mal. Il a gagné le record Guinness pour le plus gros cocombre il y a 25 ans. C'est pas lui qui a gagné le plus gros cocombre. mais il est pas là-dedans pour la gloire. Hein. Vowels aime juste ça, faire pousser des gros légumes et les partager avec sa communauté locale, dont son pub local, qu'il utilise en fait ses légumes pour le lunch du dimanche. On utilise ses gros cocombes pour le lunch du dimanche. Il y a une grosse vidéo qui s'appelle The Jolly Green Giant Vegetables, parce que c'est son surnom, hein, le gros géant vert. Great Big Story de CNN a reçu Vowels en entrevue pour son amour des gros légumes. Allez voir ça si ça vous intéresse sur assemblagerequis.com. Est-ce que je l'ai fait celui-là? Non, je vais le sauter. Celui-là, c'est un palmarès. On le fera dans une autre chronique. Je vais aller avec ce prochain-là, qui est un chef de restaurant qui sert... Ah tiens, on va y aller dans le même domaine que les toasts tantôt avec des crêpes. C'est un chef de restaurant qui sert des œuvres d'art sur des crêpes. Hein? Donc, c'est l'utilisateur d'Instagram Kaisuke qui fait de l'art sur crêpes. Donc, des personnages japonais comme Pikachu dans Pokémon, Sakura dans Cardcaptors, 4 boss de My Neighbor Totoro de 1988. Pour ceux qui connaissent pas les animés, il fait aussi... d'autres trucs. Il travaille, lui, dans un restaurant italien au Japon qui s'appelle La Ricetta, dans la ville de Zama. Il crée aussi des crêpes en forme d'animaux, de célébrités et de vedettes de la pop culture de l'Ouest, donc occidentale, américaine, entre autres. Armé d'une bouteille à squeeze et d'une poêle qui ne colle pas, le chef est capable de créer plein de choses mangeables. Il n'y a aucun colorant alimentaire, seulement de la pâte à crêpes et du lait de soya. Ce qu'il fait, c'est qu'il crée des images avec différentes nuances. Donc, il y a des coins qui sont plus brûlés, moins brûlés que d'autres. Donc, il fait en ordre pour que ça cuise plus ou moins longtemps chaque. Il fait le contour en premier, ensuite les détails à la fin. Comme on voit dans une petite vidéo sur assemblagerequis.com, il y a des images qui prennent plus de temps à cuire, qui deviennent plus foncées. Et les résultats sont toujours super beaux. Vous pouvez les voir sur Instagram où son nom est Kainagaki. Donc, K-E-I-N-A-G-A-K-I. Ou encore sur YouTube. Sur sa chaîne qui est sur assemblagerequis.com. Voilà. Ensuite, tiens, apparemment que c'est beaucoup plus populaire de magasiner en ligne pour son épicerie qu'avant. J'aurais jamais pensé. C'est passé d'une mode à une norme, le magasinage en ligne en général, mais les épiceries, pas encore. On achète des vêtements, on achète des gadgets, mais pas d'épicerie. Selon Vocative et selon un sondage de Harris Poll, 31% des Américains et 45% des magasineurs en ligne ont dit avoir acheté des épiceries ou de l'épicerie en ligne depuis les 6 derniers mois. 10% on dit avoir remplacé un peu, sinon tout leur voyage à l'épicerie avec du magasinage en ligne. Et évidemment, il y a des pays où c'est plus facile que d'autres. Amazon a un service qui livre dans la journée même. Donc, l'étude nous apprend aussi que les gens qui habitent dans la ville, des gens avec des enfants, des gens qui ont gradué l'université et les milléniaux ont le plus de chances d'acheter leur épicerie en ligne. L'étude ne nous donne pas tant de détails de plus que ça, mais ces résultats ont l'air de dire que les gens qui vivent dans des endroits plus peuplés ou plus occupés et qui jonglent avec des responsabilités, entre autres être parents, pourraient avoir plus de chances de magasiner en ligne pour leur épicerie. Mais en général, on dit que commander leur épicerie en ligne... attends un petit peu, 49%... Bon, le reste, c'est des détails pas super importants. Moi, ce que je voulais vous dire, entre autres, si je sors complètement de l'article... J'avais vu un article sur dans les instructions d'assemblage, la chronique où on donne des conseils de vie à l'assemblage requis, où ça parlait que de commander son épicerie en ligne est une très très bonne idée parce que tu vas économiser de l'argent sur ton épicerie en général parce que tu vas pas être tenté par d'autres affaires. Tu vas seulement aller sur Internet, choisir les produits que tu veux absolument acheter parce qu'il faut que tu les recherches. Il n'y a pas vraiment de section genre aller numéro 1, tu sais, ou genre cossin, tu sais. Faut que tu ailles par recherche, par catégorie vraiment spécifique. Donc, tu pourrais économiser de l'argent et tu seras pas tenté par d'autres choses. Et quand ton épicerie va arriver, ben, tu n'auras pas à ressortir pour aller acheter d'autres choses. On se comprend là-dessus? Ensuite, McDonald's essaie de rendre sa nourriture meilleure pour la santé pour attirer plus de public américain. Plus de sirop de maïs à teneur élevée en fructose et dans leur pain et plus d'agents de conservation artificielle dans leurs croquettes de poulet. On avait parlé un petit peu des croquettes de poulet, mais pas du pain. Donc, McDonald's enlève le sirop de maïs de ses pains de sandwich et enlève les préservatifs, les agents de conservation artificiels des McCroquettes pour attirer les Américains. Donc, on dit qu'on gossait un petit peu, on pensait à ces ingrédients-là, à ces changements-là depuis environ un an et demi. Et maintenant, on pense qu'on est rendu assez loin pour être capable d'en parler publiquement. Okay? Récemment, on a suggéré de la nourriture plus clean, plus propre, parce que c'est ce que les gens demandent. On a enlevé ça des pains des burgers, des pains des sandwichs au poulet, pardon, et des filets de poisson aussi. On a remplacé ça avec du sucrose. Les agents de conservation artificielle, des croquettes de poulet et des boulettes de porc pour les déjeuners. Et de deux styles d'œufs, donc les œufs style omelette utilisés pour certains sandwichs déjeuners et les œufs brouillés servis dans une assiette. La compagnie a aussi... C'est aussi rendu à une de ses promesses quelques mois avant que ce soit prévu. En fait, on avait une date butoir, ils l'ont fait avant. Ils ont commencé à utiliser seulement du poulet qui n'est pas traité d'antibiotiques au lieu de le faire en mars 2017. C'est déjà fait aux États-Unis. Enfin, assemblagerequis.com pour voir le reste de l'article qui est très très long. Ensuite, on a déjà parlé à cette émission-ci de plusieurs fois en fait de boîtes de céréales avec seulement des guimauves qu'on pouvait acheter. Il y en a une nouvelle sorte qu'on peut se procurer maintenant. Ça s'appelle Marshmallow Madness, 100% morceaux de guimauve. Et c'est offert en boîte de 16 onces et en sac, ainsi qu'en boîte de 40 livres. La dernière coûte environ 170$. Donc pour les guimauves déshydratées qu'on peut acheter séparément dans un emballage industriel, Marshmallow Madness. Voilà. On va arrêter ici parce que j'ai besoin d'une pause. On revient avec une dernière partie. On va faire un dernier petit blitz tantôt d'une grosse boîte d'adresse. Pour l'instant, on se prend une pause musicale. On va l'entendre une pièce de... J'ai envie d'entendre Peter. C'est très bon. Ce voici Noir Eden tout de suite. L'assemblage requis sur Cifou. Assis devant rien, je réfléchis, j'invoque l'esprit, celui qui depuis lors me possède. Désormais fantôme, il ne m'écoute plus, je le comprends, je m'écoute trop et ça ne mène jamais ailleurs. Trois heures à M, seul avec moi, dans un diner, ouvert 24 heures, où les gens prennent pour emporter. La soupe est chaude, les toilettes propres, la dame est gentille, et quand elle parle, défile les sous-titres comme au cinéma. C'est un film noir, oui, je pensais. J'espère au moins que quelqu'un regarde et connaît la fin. J'ai des questions, des myriades de questions, une de plus à chaque seconde. C'est un film noir, oui, j'en suis sûr. J'espère au moins que quelqu'un regarde et connaît la fin. J'ai des questions. pense à chaque seconde. C'est un film noir, c'est un film noir, c'est un film, c'est un film noir, c'est un film noir, noir la terre. J'écris mes aveux dans le bloc-notes de mon téléphone. Soudain quelqu'un rentre, j'ai cru c'était toi, c'était personne. De loup entre des vortous, je crois qu'ils sont ivres, ils ont l'air heureux, ça me le rend un peu, je les espionne. J'ai le souvenir d'avoir fait bien pire il y a quelques années, je m'en suis sorti, n'en serais-je jamais rentré. J'écris mes aveux dans le bloc-notes de mon téléphone. Soudain quelqu'un entre, j'ai cru c'était toi, cette personne. C'est un film noir, oui je pense. J'espère au moins que quelqu'un regarde et connaît la fin. J'ai des questions, des milliards de questions. Une de plus à chaque seconde. C'est un film noir, oui j'en suis sûr. J'espère au moins que quelqu'un regarde et connaît la fin. J'ai des questions, des milliards de questions. Une de plus à chaque seconde. C'est un film noir, c'est un film noir. Peter Peter et Noir Hélène, assemblage requis. Au retour, un dernier petit 15 minutes d'une grosse pointe d'adresse, puis après ça, on se termine sans beauté. Vous êtes à assemblage requis pour encore 20 minutes. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. C'est 89.1, Trois-Rivières. Vous êtes à Cibout? À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Assemblage de qui? Oui. Assemblage de qui? Toujours à Assemblage Requis, il reste une quinzaine de minutes environ à l'émission de cette semaine. Moi, c'est Mathieu Plante. Tania Baudin est à congé aujourd'hui. Elle va être de retour la semaine prochaine. Espérons-le. Elle ne sera pas à son émission en piste avec Tania Baudin non plus cette semaine. Elle prend congé après le Grand Prix. Vacances bien méritées, qui travaille si fort. Partout, en fait. Elle est partout, cette fille. J'avais dit qu'il nous restait un dernier petit segment, donc on va y aller rapidement avec quelques dernières nouvelles dans une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse, on parle toujours de nouvelles de fast-food. Commençons à Toronto qui va avoir son propre bar à dessert, ma thématique Poop. Oui, à thématique de Kika. Ah, hein? Qu'est-ce que de plus appétissant que ça? Résident de Toronto, Lynn Nguyen Nguyen. Donc, qui va ouvrir un restaurant thématique au Kuka cet été avec un dessert, des desserts, en fait plusieurs desserts qui ont rapport avec les excréments, des murales dessinées à la main. Selon Eater, le concept n'est pas nouveau, il y a plusieurs de ces restaurants-là dans le monde, mais c'est peut-être le premier qui va ouvrir au Canada. En entrevue avec le Toronto Star, Nguyen dit qu'il a eu l'idée après avoir visité sa mère à Taïwan et a vécu un restaurant à thématique de toilette. On a déjà vu ça passer sur Internet. Donc, il dit qu'il essaie de rendre le caca mignon, comme l'emoji. Le menu du Poop Café Desert Bar sera inspiré par les desserts asiatiques, avec entre autres du pudding, bien évidemment. Un plat de glace effilochée là, coréen qui s'appelle Pat Bingsu, et d'autres collations brunes servies dans des plats, évidemment, en forme de toilette. Il y a une page Facebook avec des photos de la rénovation, ça s'appelle Poop Café Théo sur Facebook. plein d'images peinturées sur les murs, peintes sur les murs. Le plan est d'ouvrir donc maintenant là, à la mi-août. Et puis le propriétaire a dit en ligne que ça va être ouvert entre midi et 23h. Donc les gens qui aiment ça faire ça le matin là, vont devoir retenir ça jusqu'à l'après-midi. Ensuite, allons-y avec une nouvelle crème glacée qui ne fond pas, qui est l'ultime collation estivale, nous dit-on. Sur Kickstarter, qu'on ramasse de l'argent pour de la crème glacée qui ne fond pas. Ça s'appelle Gastronaut Ice Cream. Oui, Gastronaut, c'est vraiment trop bizarre. Qui était faite à l'origine pour les astronautes, pour leur donner une petite collation savoureuse en explorant les mystères du cosmos. Mais cette chose-là n'est rien comparée à la grande question d'aujourd'hui. Quel genre de sorcellerie est-ce que le fondateur de Gastronaut, Robert Collignon, a utilisé pour ne pas faire fondre sa crème glacée? Donc le secret, c'est la congélation, le freeze drying. Voilà. Donc le processus, c'est de congeler rapidement quelque chose avant qu'il soit mis dans un genre de truc d'aspiration pour enlever tout ça et transformer ça en gaz. À la place de laisser le produit qui va fondre lorsque la température s'élève. Voilà. Je comprends absolument rien. Donc, traiter cette crème glacée-là de cette façon-là n'est pas une nouvelle idée. La crème glacée séchée freeze-drying, on va l'appeler comme ça, je sais pas c'est quoi en français. Alors, on appelle ça souvent de la crème glacée pour astronautes, là, c'est comme une barre qu'on vend souvent dans les musées spatiaux et les magasins de camping, entre autres. Il y a des gens qui ont mangé ça toute leur vie, puis ça, ils aiment bien ça. Le goût est pas aussi bon, nous dit-on, que la vraie. Ouais. Tranché en rectangle. Tu mets ça dans ta bouche, ça goûte aussi bon que la crème glacée. Non, je pense que ça dépend des opinions des gens. Voilà. Donc, ils ont réussi à ramasser 40 000 $ sur Kickstarter, basé sur un but de 9 500, donc ça va quand même assez bien. On amène ça au prochain niveau avec un don de 12 $ à la campagne pour avoir deux barres Gastronaut Ice Cream pour vous, pour pouvoir la manger vous-même. Et voilà. Ça dépend des gens, je pense qu'il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas ça. Ça goûte pas pareil, il y en a qui aiment ça. Mais... ensuite, on va en Australie où une œuvre de charité donne de la nourriture d'avion qui n'a pas été mangée aux gens qui sont dans le besoin. On dit qu'environ un tiers de la population du monde, de la nourriture du monde, pardon, produite pour les humains, est gaspillée. Et ce problème-là est aussi commun dans les avions. Fondé en 2004, Oz Harvest Brisbane ramasse la nourriture d'avions de plus de 2000 organisations australiennes, pas juste des avions. Donc, ils prennent aussi les épiceries, les hôtels, les vendeurs, en gros, les événements d'affaires et les donnent. Selon le Telegraph, l'organisation a récemment augmenté son champ d'expertise pour aller dans les aéroports. On dit qu'en moyenne, Oz Harvest Brisbane ramasse entre 400 et 900 livres de nourriture non touchée par jour de l'aéroport de Brisbane. Seulement. Chaque jour, l'œuvre de charité envoie un ou deux véhicules pour aller ramasser tout ce qui reste. Souvent, ça vient de vols qui ont été annulés ou de vols qui ont été remis à plus tard. En dedans de 2 heures, c'est envoyé à l'institution de bien-être et plusieurs repas en fait ne sont pas encore ouverts. C'est des entrées de la première classe, souvent. Les employés de Oz Harvest disent presque tout ce n'est pas consommé peut être réutilisé lorsque ce n'est pas passé date. Donc, en tant que tel, ils ne vont pas nécessairement tout le temps les donner aux aides de charité. Ils peuvent juste les remettre au lendemain dans leur avion. Mais si c'est scellé, donc seulement si c'est scellé par rapport aux règles de santé. L'œuvre de charité donc aide les lignes aériennes à savoir comment de nourriture et quel type de nourriture n'est pas mangée, et dans ce cas-là, on peut peut-être arrêter de commander autant de nourriture. Dans le futur, ils disent aussi vouloir vendre des repas chauds qui n'ont pas été mangés via le terminal de l'aéroport, étant donné que ces repas-là sont plus difficiles à charger dans les véhicules de Oz Harvest. Donc j'imagine qu'on pourrait vendre les plats des avions qui ne sont pas mangés pas dans un restaurant, mais dans une place qui serait sur le sol. La compagnie a jusqu'à maintenant redistribué 50 671 401 repas à des organisations charitables. Ils prévoient réduire le gaspillage de 50% d'ici 2025. Voilà, c'est leur but. Ensuite, un ingrédient coloré qui change les cocktails comment est-ce que je pourrais bien dire ça? C'est ça. En un genre de d'œuvre d'art, si on veut, de trucs cute à voir. Donc, les cocktails plates, les mixologues d'aujourd'hui brassent des drinks avec de la fumée ou du foie gras dans leur liste d'ingrédients. Et maintenant, on cherche à faire des breuvages qui sont plaisants pour l'œil autant que pour le palais, les papilles gustatives. Donc, on prend un Disco Sour Cocktail du 492 Restaurant en Caroline du Sud. Selon Lost at E Minor, la boisson a des propriétés psychédéliques dans son visuel. C'est un ingrédient spécial qu'on appelle Butterfly Pea Flower, fleur de pois papillon. Donc, la plante a été utilisée comme colorant depuis des siècles, mais lorsqu'on l'ajoute à de l'eau, l'extrait peut être utilisé pour faire des cubes de glace bleu brillant. L'effet coloré que ça a sur le cocktail est assez impressionnant, mais la vraie magie a lieu lorsqu'on ajoute des agrumes à ce mélange-là. L'acidité de l'agrume va changer la Butterfly Pea Flower en un genre de cavalcade de couleurs. Alors que le cube de glace fond, ça va réagir avec la tranche de citron, voyons, dans le Disco Sour, pour faire une genre de couleur bleue qui va comme... flotter dans les airs, c'est vraiment cute. Donc, les bartenders du 492 ne sont pas les seuls qui font des expériences avec cet ingrédient-là. Le Aviary à Chicago et le Mission Chinese et Uncle Boone's à New York City servent tous ce cocktail-là avec la Butterfly Pea Flower. Et on cherche des façons non alcoolisées aussi de consommer ce liquide. La fleur, habituellement, est aussi utilisée pour faire du thé. Voilà. Allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com. Vous pouvez maintenant faire du latte sans lait ou sans machine d'espresso, nous dit-on. Si vous avez envie de boire un latte avec toute sa mousse, mais que vous n'avez pas de machine d'espresso à votre disposition, vous n'avez pas besoin de vous rendre à un café. Vous pouvez le faire à la maison, vous n'avez même pas besoin de lait. Tout ce qu'il vous faut, c'est de la gomme de xanthane. Dans une courte vidéo de Wired, le chef Steps nous montre comment faire ça, comment faire un latte sans lait. La recette est parfaite pour les fanatiques de café qui n'ont pas, qui ne veulent pas prendre de produits laitiers, bien sûr, ou qui n'ont pas de lait sur place. Selon Wired, les seuls ingrédients nécessaires pour faire ce substitut-là sont du café normal, donc des grains de café, et de la gomme de xanthane. La gomme de xanthane est un ingrédient qui fait épaissir la nourriture. On le trouve souvent dans les vinaigrettes et ça aide à changer donc, le café fraîchement infusé en un breuvage crémeux et épais qui, selon Wired, imite le goût et la texture du café latté. Donc, essayez ça. Gomme de xanthane, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Ensuite, le Bourbon Burgle, qui est un burger construit autour d'un shooter de bourbon. C'est le restaurant Chicken and Sons de Sydney en Australie qui nous a inventé un nouveau concept qui combine un truc pour tenir un verre, là, un trou pour tenir un verre, c'est un cup holder, de l'alcool et du bœuf dans un seul hamburger. Ça coûte 22$, australiens, donc 16$ américains. Le Bourbon Burgle, c'est une boulette de bœuf Angus, du fromage orange, des cornichons, de la sauce spéciale, du bacon glacé au bourbon et de la sauce barbecue jalapeno bourbon sur un pain bagel au sésame. Et en plein milieu du burger, il y a une place, un genre le bagel, il y a un trou dans le milieu. Hein? Et là-dedans, on met un shooter de bullet bourbon avec encore plus de bacon. Ça a l'air super bon, mais Colin, que ça a l'air gras. Le bacon dans le shooter, là, c'est incroyable. Pourquoi le bacon dans le shooter? Je sais pas. Sûrement pour pouvoir tremper ton bacon bouchée par bouchée, prendre de plus en plus d'alcool. Je sais pas, mais ça s'appelle le bourbon burger. Ensuite, la grosse nouvelle pour les fanatiques de biscuits cette semaine. Je l'ai vu aux nouvelles aux États-Unis, c'est les Oreos à saveur de petits poissons suédois, Swedish Fish. Vous avez sûrement vu les Swedish Fish dans les emballages d'Oreos récemment, dans leur mélange mini-mélo, style petit Oreo, petit Swedish Fish. Et bien maintenant, il y a des Oreos avec la crème à saveur de Swedish Fish. C'est évidemment Nabisco qui sort, on dirait, une nouvelle version d'Oreos à chaque semaine. Celle-là, on l'avait pas tellement vu venir. Sans annonce officielle, l'édition limitée est sortie dans les magasins Kroger des États-Unis et plusieurs critiques sont sorties disant que ça goûtait vraiment et ça avait la même consistance que que les bonbons Swedish Fish dans la pâte. Un emballage de 20 va vous coûter 3$ et puis c'est seulement chez Kroger aux États-Unis. Et évidemment, il y a quelques critiques sur assemblagerequis.com si ça vous intéresse. On dit que c'est similaire. On dit que la texture et la saveur est similaire à de la pâte à modeler Play-Doh aux fraises. Et que ça marche sur la ligne, la fine ligne entre un bonbon et un médicament. Miam, miam, miam, que ça a l'air bon. Ensuite, une agence publicitaire qui dit qu'ils ont inventé le verre de bière parfait. Étrange, ça dit la plus grande découverte dans le domaine de verser de la bière depuis la gravité. Coors Light, donc... est-ce que c'est Coors Light? Non, une marque de Molson Coors Cobra. Voilà, vient de sortir une nouvelle invention qui est un verre spécial qui dit être révolutionnaire. L'agence de Londres Karmarama a aidé à construire ce verre avec l'aide de l'hydrodynamique et de spécialistes en hydrodynamique et de spécialistes en mécanique du liquide, Fluid Mechanics Specialist, et des professeurs à des universités dont Birmingham University et Imperial College. Donc, le verre futuriste est maintenant en production et devrait sortir cet été. L'agence dit que le verre a un canal unique dans l'intérieur pour permettre au liquide de glisser doucement jusqu'à la base du verre en créant un effet whirlpool, un peu un effet à la laveuse. Ce qui va relâcher la saveur et l'arôme et créer une tête, le dessus parfait, la mousse parfaite. Ça dit un positionnement impossiblement doux. Vous pouvez voir en action sur un petit gif animé dans une vidéo aussi sur assemblagerequis.com. Donc vraiment, le verre à l'intérieur est comme des genres de petites coulisses dans les côtés des verres. Et c'est pas fait pour mettre tes doigts là, c'est fait pour que le liquide du fût passe directement dans cette affaire-là. Et ça fait comme une glissade d'eau, je dirais, comme effet. C'est vraiment drôle. Mais je doute pas qu'il y ait au moins une petite idée derrière ça, s'ils ont quand même demandé à des spécialistes. Ça dit que, le verre va être dans une campagne intégrée dans des publicités à l'extérieur, des publicités numériques, publicités papier, vidéos sur demande, médias sociaux. Leur slogan va être « La plus grande innovation depuis la gravité dans le domaine de la bière » et aussi construit par des fous assoiffés. Voilà. Le nouveau Cobra Smooth Pour Glass, made of science, fabriqué de science, à partir de science. Et on va terminer avec un dernier, tiens. En France, un désastre en France, avec Burger King et le Whopper Blackout Gag. C'est un gag revisité, si on veut. Donc, il n'y a pas grand gens qui savent que Burger King s'est retiré de la France pendant 15 ans, entre 1997 et 2012. Mais en fait, c'est vrai. La campagne a revisité ce cauchemar collectif avec un nouveau mockumentaire, donc un faux documentaire de 7 minutes de l'agence Buzzman. Les accros de Whopper ont perdu leur tête. Il s'est passé plein de choses pendant ce temps-là, donc c'est ce que le documentaire montre. En général, c'est un petit peu genre mélodramatique et c'est poussé à un degré de sarcasme incroyable à Donald Trump. Allez voir ça, ça vous intéresse de voir qu'est-ce qui s'est passé pendant les 10 ans où Burger King n'était pas en France. Voilà pour cette vidéo publicitaire. Nous, c'est là-dessus que se termine la chronique. Une grosse pointe d'adresse. Allez voir sur assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les notes de cette chronique-là, si ça vous intéresse. Alors que nous, on va aussi terminer l'émission là, tant qu'à faire. On va se retrouver en direct la semaine prochaine, toujours les mardis, entre 14h et 17h. Tania Baudin va être de retour. En tout cas, devrait être de retour. Plus tard sur nos ondes, il devrait y avoir du baseball, mais en même temps, la météo annonce comme 90% de pluie ou 100%. Donc, on va vous tenir au courant pendant les prochaines heures. C'est supposé commencer à 18h55, le cas échéant. Sinon, on repasse le samedi entre midi et 15h. Après nous, c'est Sky Punka, l'émission de punk rock, de Sky, de Hippou et de Hank, je pense. Suivi Voyage de Célèbre. Ensuite, le dimanche, on passe entre 10h et 13h après nous. Il n'y a pas de baseball aujourd'hui, donc à 16h, ce sera... il n'y a pas d'artiste non plus. À 17h, ce sera Rock de Neurone. Voilà. CIF.ca pour la programmation complète. AssemblageRockie.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition d'Assemblage Rockie. Puis on se quitte avec une autre pièce. Pourquoi pas une pièce anglophone? On n'a pas entendu tant que ça. Je vous propose, pourquoi pas d'aller entendre. Cowpuncher, tiens. Cowpuncher et Straight Line. À la semaine prochaine. Bye bye.